Mais moi, je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais, son avenir, c'est le métissage. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Bonjour, bienvenue sur Démocratie Participative, notre podcast hebdomadaire, épisode numéro 16. Je suis content de vous retrouver et tous nos intervenants aussi, naturellement. Je vais débuter, comme de coutume, l'émission en vous proposant de nous contacter si besoin, si vous voulez nous soumettre une idée, une proposition, voire un sujet. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email. Démocratie participative d'un seul tenant, il n'y a pas d'accent sur démocratie, @mail.ru, je répète, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube, donc quand vous regardez l'émission sur YouTube, vous cliquez sur s'abonner, comme ça vous avez la petite alerte pour les numéros suivants, et vous êtes comme ça tenu au courant en temps réel. Et enfin, vous pouvez aussi nous suivre, bien sûr, sur Facebook, en likant la page. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages, il y en a plusieurs qui le font, c'est bien. Et puis, comme ça, vous pouvez partager l'émission avec vos amis. On est aussi sur SoundCloud. Alors, SoundCloud, c'est la plateforme audio. On a notre chaîne sur SoundCloud. Et là aussi, vous pouvez partager. C'est une plateforme tout à fait intéressante. Alors, je vais présenter nos intervenants. Ils vont nous dire un petit bonjour. Je commence donc avec Popoporovitch. Un petit bonjour quand même, Porovitch. Shalom alaikum à vous, mes frères et sœurs. Salut Astérix. Alors, ça gaze, toi ? Comment vas-tu ? Écoute, moi, ça gaze depuis la Somalie, enfin la Finlande, quoi, mais en phase de somalisation, quoi. Donc, je suis replié chez moi, là, en terrain ennemi, là. D'accord. Écoute, c'est une expérience bonjour intéressante. Fulbert, comment vas-tu, Fulbert ? Fulbert va bien, merci. Bonjour à tous. Toi, j'essaye de te faire valoir les aspects positifs de la démocratie, mais t'es rétif, définitivement imperméable aux droits de l'homme et tout ça. Ça, c'est pas la peine. Oui, absolument. Je crois que j'étais vacciné maintenant, alors... Ah voilà. Bon, écoute, je désespère pas d'y arriver un jour. Argyle, comment vas-tu ? Ça va très bien. Je suis super content d'être de retour parmi vous après plusieurs émissions où je n'ai malheureusement pas pu être des vôtres. Donc je suis très content de retrouver tout le monde pour un grand moment de démocratie participative et de tolérance. Ah ça, c'est vrai que tu brilles par ton art consommé du consensus. Ça, c'est ta partie, ça. MacDav, salut MacDav, comment vas-tu ? Bonsoir les amis, ça va très très bien. Et Mathilde, salut Mathilde. Salut, bonjour à tous, ça va très bien aussi depuis la région bordelaise. Ah d'accord, Mathilde qui sera avec nous que pour la première partie de l'émission. Alors, chers amis, autant vous dire que j'ai un programme intéressant, un programme très enrichissant aussi, et sans transition aucune, je commence tout de suite avec notre rubrique traditionnel, autisme radical, avec comme premier sujet quelque chose que j'ai trouvé bien sûr dans la presse. Je le dis pour ceux qui nous écouteraient pour la première fois, je base l'émission sur des coupures de presse, je n'invente rien, pas de problème, vous pouvez même me retrouver en ligne. Alors, sujet numéro 1, le titre, à La Réunion, ils ne veulent pas de la nantaise, entre guillemets, pour leur enseigner l'esclavage. Alors, je lis cette coupure de presse. Je donne tous les détails. En 2015, l'université de La Réunion mettait au concours un emploi de maître de conférence avec pour thème « Histoire de l'esclavage, de l'esclavagisme et de l'économie des colonies dans les îles du sud-ouest de l'océan Indien ». Voilà, ça fait très long. Un poste taillé sur mesure pour l'enseignante, donc l'enseignante en question, vous allez faire la connaissance, qui en a fait le thème de sa thèse. Elle postule, Donc c'est une européenne, je précise tout de suite. Elle postule, mais le concours est annulé. Un an après, en 2016, le concours se propose à nouveau, la nouvelle candidature, et cette fois-ci, elle est prise. Mais le lobbying, relayé par les médias locaux, se met en marche. Certaines associations, comme le Conseil des Français d'Outre-mer, refusent d'admettre cette nomination. Le tribunal administratif décide en juillet de suspendre sa nomination. Des enseignants et militants identitaires, donc de la Réunion, hein, estimant que la Française, donc de métropole, vient non seulement de la métropole, mais qu'elle est aussi nantaise, ils jugent ça inacceptable, Nantes étant le premier port négrier de France, selon eux. Le tribunal administratif décide en juillet de suspendre sa nomination en attendant un jugement sur le fond. Une décision mal comprise par le monde universitaire nantais. Depuis ce vendredi, une pétition circule à l'initiative de quelques professeurs émérites. Et voici ce qu'ils disent, donc ces fameux professeurs de Nantes. Virginie avait de loin le meilleur dossier, c'est navrant d'en arriver là. Si on autorise ce genre de pratique, c'est la fin de l'université française. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, le fait que, à La Réunion, on ne veuille pas d'une professeure française de la métropole, originaire de Nantes, pour enseigner sur un sujet comme celui-là? Alors, ça me paraît parlant. Ouais, c'est très intéressant. Bah, moi, personnellement, ça me fait un peu ni chaud ni froid, parce que, moi, après tout, si les Réunionnais veulent leur indépendance, c'est-à-dire qu'ils l'apprennent. Enfin, tu vois, ils sont tranquilles dans l'océan Indien. Ils nous coûtent plus de pognon qu'autre chose. Donc, bon, voilà, quoi. Ils ont le droit d'être entre eux. Ça me pose pas de soucis. Quand on est un identitaire européen, on critique pas les valeurs identitaires réunionnaises. Mais ce qui est très marrant, c'est que le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, donc qui est l'une des associations qui a milité contre la nomination de cette Bretonne, qui en fait est blanche, hein, c'est surtout ça le truc. Ça ne sait pas qu'elle soit née à Nantes, le problème c'est qu'elle est ça serait le Bignou, ça serait bon. Ouais, c'est ça. Et cette association a pour but de lutter contre le racisme. Donc moi je trouve ça absolument formidable. Et c'est en fait c'est une nouvelle bisbille, une nouvelle lutte intestine entre les associations antiracistes, entre les associations antiracistes blanches de l'université française et l'antiracisme militant des associations noires d'outre-mer. Moi je trouve ça très très marrant et ça sort bien du popcorn. Et par ailleurs, ils sont atteints du syndrome de Stockholm, c'est bien connu. Qu'est-ce que tu veux dire, Fulbert ? Eh bien que le syndrome de Stockholm détermine que des victimes tombent en amitié, en amour, avec leur propre bourreau. Donc en fait, tu veux dire en fait que la professeure en question est tellement passionnée de la martyrologie esclavagiste et post-esclavagiste qu'elle en a fait sa spécialité et que pas de bol, elle est tombée sur, on va dire, des gens qui descendent d'esclaves et qui ne veulent même pas la voir ni de près ni de loin au motif qu'elle est blanche. On est bien d'accord. Non, absolument pas. Oui. Puisque le seul qui, bah, l'organisation qui intervient pour l'empêcher de progresser est composé aussi de blancs, hein, c'était signalé tout à l'heure, bah, ces blancs souffrent du syndrome de Stockholm. Oui, alors moi je voudrais dire concernant, bon déjà d'une part, bon des timidement des universitaires métropolitains se mobilisent pour leurs collègues, mais d'un autre côté, ce sont les premiers responsables. Après avoir enseigné depuis des décennies que nos ancêtres sont une bande de salauds colonisateurs et esclavagistes, il faut bien s'attendre aussi à ce que les populations d'outre-mer ou issues de nos anciennes colonies qui entendent ça à longueur de temps ont envie de bouffer du blanc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on assiste à un tribalisme de la mémoire, comme on a pu le voir depuis 70 ans avec une certaine communauté. Et ben les populations africaines, enfin extra-européennes, qui sont très revanchardes, ont pas du tout envie que ce soit les sales blancs qui sont unis qui racontent leur histoire. Et en plus, ces sales blancs pourraient faire preuve d'une certaine objectivité. Parce que dès qu'on laisse l'histoire à des Africains, Donc ça part en couille très vite, quoi. Tout de suite, on arrive, on sait que voilà, la chapelle Sixtine a été peinte par des Africains, enfin que la civilisation, tout a été fait par des Noirs. On est déjà revenu là-dessus dans cette émission. Donc je pense qu'on est dans ce processus et ça va être de pire en pire, c'est-à-dire la tribalisation permanente de la société française et européenne qui va l'être de moins en moins, avec des gens qui nous crachent ouvertement à la gueule et qui ne veulent qu'une chose, nous réduire à l'esclavage, voire nous faire disparaître de la surface de la Terre. Voilà, on est dans une phase de haine intégrale, et le simple fait qu'une blanche, qui à mon avis doit sûrement pas faire des cours qui soient spécialement à l'encontre des thèses officielles de l'esclavagisme, même ça, c'est trop pour eux. Non, il leur faut vraiment un universitaire du cru qui va leur faire qui va assurer le dogme de l'esclavagisme où uniquement le méchant blanc est responsable de la traite des esclaves de soi-disant leurs ancêtres. Moi, je suis très étonné que ça nous vienne de la Réunion, parce que ça serait venu de Guyane ou de Guadeloupe. On sait que ces territoires-là sont occupés par des gens extrêmement revanchards qui nous détestent. La Réunion, je croyais pas, enfin je savais pas que c'était qu'ils pouvaient tomber aussi bas, parce que ils sont très racistes à la Réunion. Faut savoir que là-bas ils sont envahis par les Comoriens, et que de fait, étant envahis par les Comoriens, ils se reconnaissent presque plus comme blancs que comme noirs, parce que les Comoriens, c'est trois étages en dessous des Réunionnais au niveau du comportement. Là, on est vraiment chez les sauvages, quoi. C'est des pirates musulmans, quoi. Les mecs des Comores. Donc, vous avez qu'à voir. Et je m'explique pas trop que les Réunionnais soient aussi cons, quoi. Enfin bon, mais. Alors moi, je peux vous dire que je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont probablement rencontré des gens qui ont été à La Réunion, qui ont surtout vécu à La Réunion. Il y a un racisme exacerbé à l'encontre des Blancs. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est très présent. Bon, moi, ce que je veux souligner, mais qui était pointé du doigt par Argyle assez bien, c'est que, en fait, on voit que les personnes véritablement capables, j'allais dire, d'universalisme au sens strict, et d'adhérer vraiment à l'antiracisme, de s'extraire de son propre groupe d'appartenance culturelle, ethnique, religieux, en fait, ce sont les Blancs, et évidemment, les Blancs de gauche, quoi, les Blancs progressistes. Alors, eux, ils vont vous faire des thèses là-dessus, ils vont se spécialiser, ils vont vraiment rentrer dans le truc, quoi. Alors que les Noirs, ou que les populations métisses, comme à La Réunion, eux, ils sont incapables de ça, et comme tu l'as bien souligné, ils sont dans une forme tribaliste, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de responsabilité individuelle, ils sont incapables de distinguer le passé du présent, et ils estiment qu'une blanche est co-responsable de ce qui s'est passé il y a trois siècles. Pour eux, il n'y a pas de distinction. Alors qu'en fait, cette fille-là, elle est née peut-être dans les années 80 ou 70, évidemment, elle n'a aucun lien de près ou de loin avec l'esclavage, mais pour eux, la seule appartenance raciale est déjà justifie une co-responsabilité et donc un prix à payer. Bon. Alors, deuxième point que je veux souligner, c'est que de deux choses l'une. Soit ils veulent le pognon de la métropole et ils ferment bien leur gueule, soit ils veulent pratiquer leur tribalisme, se raconter toutes les histoires qu'ils veulent, maudire autant qu'ils veulent l'Europe, les Blancs, etc., et leur prêter tous les crimes possibles, fort bien. Et à ce moment-là, ils déclarent leur indépendance et il n'y a plus un sou qui part là-bas. C'est-à-dire que c'est l'un ou l'autre. C'est pas un peu les deux. Et c'est toujours comme ça avec ces mendiants, et c'est vrai aussi pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Ces gens-là vous crachent à la gueule matin, midi et soir, tout en pour vous faire les poches, mais quand vous leur brandissez en face du nez l'indépendance, en leur disant « Bon les gars, on veut plus raquer, vous barrez maintenant, faites ce que vous voulez », tout d'un coup ils se mettent à chialer « Non, non, on n'a pas voulu dire ça, etc. » Donc moi je dis, voilà, de deux choses l'une, c'est l'indépendance, ou alors, ils ferment leur bouche. Je sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Bah, moi je... Pardon. Oui, t'as tout résumé, Gandalf, puis les interventions d'avant d'Argyle ou de Thoreau, je crois, où c'est exactement ça, quoi. C'est toujours la même chose, c'est valable pour eux, pour d'autres îles, valable pour... D'autres lieux moins loin de chez nous, quoi. Bah voilà, c'est progressivement, ça devient aussi la réalité, ouais, en Europe. C'est la réalité de l'antiracisme. Attends, Porovitch. C'est la réalité de l'antiracisme. Je veux dire, nos amis qui viennent d'Algérie, qui nous en veulent pour la colonisation, mais qui sont quand même là, en France, à profiter du niveau de vie. Bon, voilà, on connaît la musique. Bon. La raison invoquée à chaque fois, c'est après tout ce que vous nous avez fait, c'est normal qu'on vienne chez vous. Voilà, attends, mon gars. Après tout ce que tu nous as fait subir, bah attends, c'est normal qu'on soit ici. Et il y a même des blancs qui disent ça. Bah attends, après la colonisation, bah voilà, hein, maintenant c'est leur tour. Ouais, c'est vrai que la colonisation, ça a été très violent. Je veux dire, toutes ces routes, tous ces hôpitaux, tout système éducatif qu'on a construit, enfin c'est. Très dur à supporter pour des mecs qui vivent dans des cahutes et dans des tentes en peau de bête, quoi. Du coup, non tact. Ouais, cet argent injecté, on est quand même des sacrés salopards. D'ailleurs, moi je reviens quand même sur ma surprise, parce que cette invasion comorienne, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est absolument c'est une véritable invasion, parce que là-bas c'est une petite île, donc c'est pas 60 millions d'habitants, je ne sais pas exactement combien d'habitants il y a sur Madagascar, et racialement la Réunion, racialement les Réunionnais sont un petit peu comme les Malgaches, ils sont au carrefour de plusieurs, enfin ils sont un petit peu asiatique, beaucoup noir et un petit peu blanc, ce qui fait que j'aurais pas cru qu'ils se positionnaient autant dans l'antiracisme, dans la haine du blanc, qu'ils se sentaient autant descendants d'esclaves. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Je pensais qu'ils étaient moins cons que les Guadeloupéens ou les Guyanais, qui eux sont vraiment la ligue de l'humanité, quoi. Bon, bah je crois que la Réunion a eu son quota aujourd'hui. Hein. Alors, deuxième point de notre rubrique, autisme radical. Alors là, c'est intéressant, je mettrais ça dans la catégorie aberration multiculturaliste. Hein. Alors, je cite. Le Parlement européen a organisé une conférence sur l'avenir des communautés juives en Europe. La plupart des intervenants ont fait part de leurs inquiétudes quant à la montée de l'antisémitisme et du populisme d'extrême droite. Je cite, « L'Europe n'est pas la même sans les Juifs », a souligné le président du Parlement européen, Martin Schulz, socialiste allemand. Hein. Ce qui, à mes yeux, est une phrase très ambiguë. Alors, la conférence intitulée « L'avenir des communautés juives en Europe » a été organisée dans le cadre de l'article 17 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Celui-ci prévoit un dialogue transparent et régulier entre les institutions européennes et les églises, les associations religieuses et les organisations philosophiques et non confessionnelles. Alors, je passe un petit peu les détails. En ouvrant le débat, le vice-président du Parlement européen et député démocrate chrétien italien Antonio Tajani a souligné le déclin inquiétant de la population juive en Europe. Leur nombre, qui était de 2 millions en 1991, a considérablement chuté à 1,4 million en 2010. La plupart des participants ont exprimé leurs inquiétudes concernant le futur des communautés juives en Europe. Je cite toujours. Les Juifs font face aux insultes, à la discrimination, au harcèlement, parfois à la violence physique, voire même à la mort, comme cela a été le cas à Paris, Bruxelles ou Amsterdam, a expliqué Francis Khalifa, triste nom quand même pour un Juif, président du Conseil représentatif des institutions juives de France. Alors, il faut souligner la présence d'ailleurs de Bernard-Henri Lévy, qui était plus rassurant, disant qu'il n'y avait pas tellement de menaces en Europe sur les Juifs, en tout cas, rien de comparable aux années 30, avait-il dit. Le président de la Conférence européenne des rabbins, Pinchas Goldschmidt, a pour sa part identifié deux grands dangers qui menacent le futur des communautés juives, l'islam radical ainsi que la montée de l'extrême droite en Europe. La plupart des intervenants présents ont également critiqué le mouvement boycott, désinvestissement et sanctions qui promeut des sanctions à l'endroit de l'État d'Israël. Alors, c'est intéressant à noter, c'est-à-dire que eux critiquent l'islam radical, qu'ils comparent d'ailleurs à l'extrême droite populiste, on aura l'occasion d'en reparler, tout en faisant cause commune avec les musulmans sur des questions comme la circoncision ou les droits d'avoir un certain type d'abattage, etc. On a vu qu'ils ont fait pression avec les musulmans récemment en Allemagne ou en Europe du Nord, notamment au Danemark, je crois, où là, il y a des écologistes qui poussent très fort pour interdire ce genre de pratiques, ils estiment soit trop violentes pour les animaux dans le cas de l'abattage, soit pour les enfants dans le cas de la circoncision. Alors, qu'est-ce que ça Moi, ça, c'est, je trouve ça intéressant parce que on a quelque chose là. Alors, je prends voilà vos commentaires. Qui veut commencer? Alors, là, sur les juifs, je pense que. Alors, je précise. Hein, il s'agit de d'organisations qui sont strictement religieuses. Donc, c'est le CRIF ou des rabbins. Qui ont rencontré les autorités européennes. Hein. Donc, eux, ils disent, voilà, nous, on représente les Juifs. Moi, je ne sais pas exactement ce qu'ils représentent, mais bon, je précise quand même. C'est incroyable, hein, ces pompiers pyromanes. C'est-à-dire que là, ils se plaignent des agressions qu'ils subissent de la part des musulmans, alors que, ils se sont battus depuis 60 ans pour les faire venir en masse. Et là, ils essayent de nous faire chialer en faisant un amalgame vraiment foireux entre l'islamisme radical et l'extrême droite. Là, j'ai vu, je ne sais plus où, c'est peut-être dans l'émission de la semaine dernière que vous en aviez parlé, de ces connards qui osaient dire carrément que l'islamisme et l'extrême droite étaient pareils, quoi. Ils établissaient, ils mettaient un signe d'égalité entre les deux, carrément, quoi. Et là ils poussent encore et puis ils vont chialer dans leur petite réunion à la con sans voir la source du problème, quoi. Le problème est très très simple. Les juifs s'ils sont dans des pays européens, en gros ils ne seront en danger que voilà. Ils n'ont été en danger merde, attendez, parce que là, il y a un train qui passe, je laisse intervenir quelqu'un d'autre. Oui. On fera ça au montage. Oui, ce qui est assez paradoxal, ce sont justement ces revendications, ces jérémiades, comme quoi il y a un retour de l'antisémitisme, que la communauté juive est anxieuse en Europe, et s'en prendre au soi-disant antisémitisme de l'extrême droite. Déjà, ils n'ont qu'à regarder au Parlement européen ce qui est censé représenter l'extrême droite, à part quelques cas particuliers, c'est quand même très philo-sémite. Hein. Des Geert Wilders ou des Marine Le Pen sont à plat ventre devant la communauté juive, ils ne rêvent que d'une chose, c'est d'aller en pèlerinage à Yad Vashem, enfin pour ceux qui n'y sont pas encore allés. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un mouvement de fond en Europe antisémite qui viendrait à persécuter la communauté juive revendiquée comme telle. En revanche, ils abordent quand même assez doucement ce qui est le seul antisémitisme, on va dire, réel dans les faits, qui existe en Europe et aussi en France, s'il vient du monde islamiste. L'attentat contre l'hyper-cacher, c'était pas un militant d'extrême droite qui, Koulibaly, c'était pas un militant d'extrême droite. Celui qui a été dans le musée à Bruxelles défouraillé à la Kalachnikov, c'était pas un militant d'extrême droite. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour eux après avoir fait la promotion du multiculturalisme, du cosmopolitisme, de la destruction des identités européennes, en favorisant à coup de fatwa l'immigration-invasion, la colonisation migratoire, puisqu'en fait, l'objectif de ces associations, c'est de dire si vous vous opposez à l'immigration, c'est que vous êtes nazi et que vous êtes pour la réouverture des camps de la mort. En gros, c'est ça le message que les différentes communautés juives ont pu nous faire passer ces dernières décennies. Et là, aujourd'hui, ils se plaignent d'une résurgence de l'antisémitisme, certes réelle, mais elle n'est pas vraiment, ou alors de manière très marginale dans les milieux d'extrême droite européens, mais elle est surtout au sein d'un islam radical qui est en train de manger la main de celui qui, de ceux qui l'ont nourri à la base. De par le nombre, il est clair que l'islamisme, l'islamisation de l'Europe est un danger pour les différentes communautés minoritaires qui ont aidé à son installation. Ouais, alors moi je suis assez d'accord. J'ai beaucoup de problèmes avec cette idée de représentant de la communauté juive. Parce que on parle là d'une organisation qui compte 28 États membres, 27 bientôt puisque la Grande-Bretagne va quitter l'Union européenne. C'est une entité qui rassemble, bon, alors maintenant, on va dire, on parle au moment présent avec la Grande-Bretagne, environ 500 millions de personnes, et Dixit, le vice-président du Parlement européen, on parle de gens qui sont 1,4 million. Alors, on en fait un groupe, alors que ce sont des gens qui sont éclatés sur 28 pays, et qu'à l'intérieur de ces pays, il n'y a pas d'unanimisme au sein même de ces communautés. On peut parler de la France. Je pense qu'on peut quand même le dire, entre un Bernard-Henri Lévy et un Éric Zemmour, bon, il n'y a pas vraiment de convergence de vues sur pas mal de sujets importants. Hein. Donc déjà, j'ai un problème avec ça, c'est-à-dire que me semble-t-il que si ces personnes de confession juive, alors je ne sais même pas si c'est juif de confession, si c'est juif d'origine, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, si ces gens ont quelque chose à dire, me semble-t-il que ça passe par leurs élus politiques, parce que ce sont des citoyens d'État. Ils ont des représentants et c'est par là que ça passe. Hein. Il y a des gouvernements pour ça, il y a des représentants politiques pour ça. Donc je ne comprends pas du tout pourquoi des religieux c'est d'ailleurs ce ou des. T'as raison de le préciser, Gandalf. Je t'interromps deux secondes parce que c'est ce qu'avait dit le chicot pourri là, Mélenchon, Bayona, de la famille Bayona. Il avait dit ça en parlant des mecs du CRIF. Il avait dit le CRIF ne représente personne, les juifs sont représentés par leurs élus politiques. C'était sûrement la seule chose intelligente que ce trou de balle ait dit ces 10 dernières années. Bon, alors ensuite, on parle d'1,4 million de personnes sur 500 millions. C'est-à-dire, c'est 0,3% de la population. Bon, quand il y a des gens comme ça qui s'invitent au Parlement européen, qui sont reçus d'ailleurs en grande pompe par Martin Schulz, qui nous dit l'Europe ne serait pas l'Europe sans les Juifs. Qu'est-ce que ça veut dire? De quelle Europe parle-t-on? On parle de l'Europe comme civilisation, comme continent, ou on parle de l'Union européenne? Parce qu'attention, parce que si avec des discours comme ça, ceux qui critiquent l'Union européenne, au bout d'un moment, vont dire, attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Union européenne est juive? Attention, c'est des propos qu'il faut manier avec beaucoup de précautions. Même quand on veut faire du zèle. Et ensuite, 0,3% de la population. Moi, quand je vois des rabbins qui ne représentent probablement même pas 10 ou 15% de leur propre communauté, s'inviter au Parlement européen, en compagnie de Bernard Lévy, et dire, voilà, alors nous, en Europe, il y a ça qu'on n'aime pas, il y a ça qu'on n'aime pas, en faisant des équivalences qui sont proprement odieuses, parce que quand il parle d'extrême droite populiste, de qui parle-t-il? De gens qui se défendent d'une agression qui est une invasion musulmane, qu'effectivement des gens comme Bernard Lévy ont encouragé et défendu. Ce sont des gens qui se défendent, eux ils appellent ça l'extrême droite parce que ça leur fait plaisir. Ils font une équivalence avec des djihadistes qui, eux, tuent effectivement des juifs de sang-froid. Il y a eu le cas Mera à Toulouse et un certain nombre d'autres en Europe. C'est encore plus insupportable. Et puis surtout, excusez-nous, les Européens, les 500 millions de citoyens européens, n'ont pas à se mettre au garde à vous pour faire plaisir à des représentants autoproclamés de 0,3% de la population. Ça, il faut arrêter tout de suite. C'est indécent, déplacé, voire provocateur. Moi, c'est mon sentiment sur ce sujet-là. Et ces gens se placent comme s'ils étaient au-dessus, comme s'ils marchaient sur les eaux, comme s'ils pouvaient se placer en position de juge, dire qui a tort, qui a raison, qui a sa place, qui n'a pas sa place, quelle parole est autorisée, quelle parole n'est pas autorisée. C'est absolument scandaleux. Des représentants autoproclamés. Ah oui, mais non, mais c'est absolument aberrant. 0,3% de la population ont des droits, oui, mais ils sont représentés par leurs élus politiques sur 28 États membres. Point, c'est tout. Voilà. Et ces représentants. Imaginons l'hystérie si des catholiques faisaient pareil, si une association de représentants catholiques faisait la même chose. Imaginons l'hystérie médiatique, l'hystérie politique des institutions en disant, mais attendez, vous n'avez absolument pas à vous ingérer dans les affaires européennes, dans les affaires nationales, dans les gouvernements. On aurait droit à une crise de répulsion vis-à-vis de cette ingérence dans les affaires des États et de l'Union européenne. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, troisième point. Alors là, de notre autisme radical, après l'aberration multiculturaliste, l'esprit « je suis Charlie ». Alors, ça souffle hein, sur la France, la liberté d'expression, l'engagement, là, ça y va fort. Je cite, pour attester de ce que je dis, « Le projet de loi « Égalité et citoyenneté » pourrait vider discrètement de son contenu la vénérable loi du 29 juillet 1881 qui régit le droit de la presse et de la liberté d'expression. L'initiative est née en juillet d'un rapport de deux sénateurs, François Pillet, les Républicains du Cher, et Tani Mohamed Souilihi. C'est difficile à prononcer. Alors lui, il vient justement de ce que tu parlais, cher Astérix, il vient de Mayotte, hein, Parti Socialiste Mayotte. Sur les abus d'Internet, j'aime bien l'expression, les abus d'Internet, ils estimaient que la loi de 1881 était certes, l'article cite, hein, leur parole, un texte fondateur à préserver, fermer les guillemets, mais qu'il fallait y apporter, je cite encore, des modifications ponctuelles. Elles sont pas si ponctuelles que ça. Je continue l'article. Parmi les trois principaux piliers, il y a d'abord la prescription. Un article ne peut être attaqué que dans les 3 mois qui suivent sa parution. Là, c'est un article du Monde, je le précise, et ce qu'ils disent est faux. Parce que quand il y a la motivation dite raciste ou discriminante, c'est 1 an de prescription. Donc déjà, c'est à la carte. La règle s'applique aussi à Internet. Le Sénat entend aujourd'hui faire commencer la prescription sur Internet 3 mois à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message. Donc en fait, la prescription, c'est-à-dire la durée pendant laquelle on peut poursuivre un article, commencerait uniquement à partir du moment où l'article a été retiré de l'Internet. Et comme ils sont jamais retirés, évidemment. Or, les articles ne sont quasiment jamais retirés des sites d'information. Les infractions de presse deviendraient de fait imprescriptibles, résume Maître Bigot. Donc c'est un avocat qui s'exprime sur le sujet. Le sénateur Pillet assure, lui, que le fond de la loi n'a pas été changé. Les amendements n'ont trait qu'à 3 points de procédure qui ne touchent en rien aux garanties existantes. Il estime qu'il ne sanctionne pas des journalistes, mais les abus de la liberté d'expression qui sont majoritairement commis par des non-journalistes. Donc en fait, il dit aux journalistes, rassurez-vous, ça ne vous vise pas, ça vise uniquement que le peuple. Bon, voilà. Alors c'est quoi votre impression sur, en fait, de facto, techniquement, hein, l'abrogation de la prescription et le fait que l'on pourra poursuivre des gens pendant 5 ou 10 ans ou plus pour des propos qui auront été tenus à une certaine époque, qui seront toujours disponibles en ligne? Qu'est-ce que ça vous fait, ça? Plus de prescription, voilà. Ah bah là, on arrive au bouclage d'Internet qui existait déjà, puisque bon, de toute façon, on sait que ceux qui traquent les propos politiquement incorrects, voilà, ils sont toujours à l'affût de la moindre possibilité de condamnation juridique, morale, sociale et pécuniaire, c'est très important, pour toute personne qui tiendrait des propos qui tomberaient sous le coup de la loi ou sous le coup de l'interprétation de la loi par un juge complice. Et là, c'est sûr que, comme tu disais, c'est l'imprescriptibilité de tout ce qui sera publié sur Internet. Donc c'est un encadrement d'Internet. Internet, ça emmerde évidemment l'oligarchie, puisque on trouve beaucoup de sites d'informations alternatifs, de révélations plus ou moins sympathiques sur les pratiques de nos dirigeants. Et forcément, c'est un outil qui gêne toutes les dictatures, et en particulier celles exercées par nos gouvernants. Donc, je crois que voilà, c'est une nouvelle étape en fait dans la censure et dans la poursuite judiciaire, dans la persécution judiciaire de toute opinion dérangeante. On arrive. On ne va pas citer en permanence 1984, mais on y arrive tout doucement. Et là, il y a un coup, étant donné que les gouvernants perdent de plus en plus pied par rapport aux différents événements, que ce soit la colonisation migratoire ou que ce soit les attentats islamistes, le terrorisme presque au quotidien, et ben là, ils essayent de maintenir le peu d'illusions de paix sociale, de paix civile, en écrasant à coups de talon la moindre voix dissidente, la moindre voix discordante, en mettant à leur disposition un arsenal juridique contre la liberté d'expression. Donc c'est un processus logique et je crains que ça aille de pire en pire. En fait, plus l'État est faible, moins il y a de possibilités d'agir, plus il est friable, plus il va cogner sur ses véritables opposants. Là, d'ici quelques années, si on poursuit leur logique jusqu'au bout, d'ici quelques années, les prisons seront les derniers endroits vivables en France, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus que nous en prison, puisque aujourd'hui, bon, je pense que vous le savez tous ici, mais peut-être que certains de nos auditeurs le savent pas, mais aujourd'hui, pour 1 kilo de cannabis, par exemple, si la police intervient chez vous, vous avez 1 kilo de cannabis, jamais, jamais, jamais vous prendrez du ferme. Jamais. Alors qu'un kilo de cannabis, des gens qui écoulent des quantités pareilles de drogue font se font des salaires largement supérieurs à celui d'un ingénieur avec 20 ans dans une boîte, quoi. C'est 5 000, entre 5 et 10 000 euros par mois. Donc ces gens-là ne vont plus en prison. Les racketeurs n'y vont plus non plus. Enfin bref, il n'y a plus que quelques crimes qui sont encore un peu sanctionnés. Les braqueurs vont encore en prison. Bon, donc on se retrouvera, en gros, il y aura les racistes et les braqueurs. Bon, j'espère qu'ils ne nous mettront pas avec les braqueurs, mais finalement, la prison, ça va être pas trop mal. Hein. D'ici 10-20 ans, ça sera assez sympa. Ça sera peut-être depuis la prison qu'on construira les futures fusées, parce qu'il ne faut pas compter sur Mamadou et Toufik. Donc, Ah, mais le racisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Oui, citons Taubira, effectivement, qui nous l'avait rappelé. Non, mais c'est très intéressant parce que, comme je lis beaucoup la presse en ligne, je vois local, régional, national et même au-delà, ce que je constate, c'est qu'il y a une réaction de plus en plus fréquente chez les hommes politiques ou les responsables en charge, quoi. C'est-à-dire, mais les réseaux sociaux, vous savez, là, bah, comme récemment, la Juppé, il a dit Twitter, c'est la poubelle de l'univers, je crois, ou quelque chose comme ça. Il y en a d'autres, hein, et qui disent, oui, Ruquier aussi. C'est-à-dire que ces gens, en fait, découvrent quelque chose qui les dérange énormément, c'est que maintenant il y a une forme d'horizontalité de l'information. Avant, il y avait une verticalité, c'est-à-dire qu'il y avait un système pyramidal, voilà, qui était très très très très ordonné, très filtré. Et maintenant, effectivement, avec les réseaux sociaux, les blogs, les forums, Facebook, ce qui s'ensuit. Les plateformes vidéo, l'information circule extrêmement vite et c'est pas filtrable. Et alors, il y a deux. Ah, ils supportent pas ça. Ah, ils ne supportent pas ça. Et surtout, il y a quelque chose qui révèle d'ailleurs leur morgue de classe d'ailleurs. Parce que, en fait, maintenant sur Twitter, ce qui peut avoir des côtés négatifs, je veux pas non plus, m'aveugler, voilà, mais n'importe qui peut être alpagué par n'importe qui. C'est-à-dire que vous pouvez être quelqu'un, vous savez, de très respectable, machin, et puis tout d'un coup, il y a un gueux, il y a un manant qui vous alpague en disant « Eh, oh, toi !» Tu vois, ça c'est très frappant et ça les dérange beaucoup. Alors, bon, si c'est juste des interpellations comme ça, un peu gratuites, ils s'en accommodent, mais quand ça devient des informations sensibles, alors là, ils deviennent complètement fous. Ils disent « Mais comment ? Mais quoi ?» Et le vocable utilisé par, en l'occurrence, les deux députés, sans être dépité d'ailleurs aussi, et en l'occurrence Pillet, il dit « Oui, mais rassurez-vous, messieurs les journalistes, ça vous concerne pas. » Donc on sent bien que dans leur esprit, le journaliste, c'est celui qui a fait l'école de journalisme, qui est homologué par le gouvernement, qui est dans un journal subventionné, bref, sur lequel on a la main. Donc on dit « Oui, toi, tu pourras raconter ce que tu veux, parce que le boulot est fait en amont, on sait très bien que tu diras rien. » Par contre, le populo, lui, il faut le mettre sous clé. Et vous avez parlé de la prison, enfin, Astérix a parlé de la prison. Je crois pas tellement que c'est la prison qu'ils veulent utiliser. C'est plus la capacité à intimider socialement et à détruire socialement, à coup de procès, à coup de diffamation, justement, dans les journaux subventionnés, parce que, bon, bah, les gens, enfin, parce que là, on parle même de commentaires Facebook, hein. Si c'est imprescriptible, quelqu'un qui aura dit n'importe quoi sur Facebook il y a 4 ans, virtuellement et techniquement, il pourrait être poursuivi par une association antiraciste, etc., ou quelqu'un qui voudrait se venger, parce que derrière ça, il y a le pouvoir politique, peut y avoir aussi des vengeances, en disant, bah, il a écrit ça à tel moment, ça tombe sous le coup de la loi. Non, mais c'est pas rétroactif quand même, cette affaire. Pas encore. Bah non, mais ça va le devenir. Enfin, ça va pas devenir rétroactif, mais à partir du moment où ça va devenir de fait. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que comme il n'y aura plus de période préalable pour poursuivre, enfin, de date limite pour poursuivre, là, les gens tomberont sous le coup de la répression. Et ce que je veux dire, c'est que des gens du commun pourront être poursuivis pour des propos qu'ils auront tenus sur leur page Facebook 3 ans, 4 ans auparavant, ce qui va évidemment ouvrir la voie à des règlements de compte en faveur du système, bien sûr. Et c'est pas de prison dont on parle, ça va être d'un procès. Et combien de gens qui sont des gens normaux seraient légitimement apeurés à l'idée de finir devant un magistrat, à côté d'associations, parce que lui n'est pas un militant politique. Ça suffit pour obtenir le but recherché, qui est de faire taire les gens. C'est ça que je veux dire. Sachant Gandalf qu'il y a quand même maintenant 3 milliards de personnes, ils disent qu'ils utilisent à peu près Internet dans le monde, donc ça va pouvoir concerner beaucoup de gens, et ils disent qu'il y a à peu près 60% des gens qui vivent dans un pays où des internautes ou des blogueurs ont été emprisonnés pour avoir partagé en ligne des contenus sur des sujets politiques, sociaux ou religieux. Ça, c'est l'ONG qui le disait déjà dans un rapport annuel en 2015. Donc ça va concerner, comme tu le dis, énormément de monde et il y a plein de gens qui actuellement doivent réfléchir à tout ça et doivent commencer à se dire bah, je vais me taire. Donc le but, il est ce que tu dis. Alors, je voulais rajouter. Oui, je voulais juste rajouter aussi cette défiance d'hommes politiques, souvent âgés, mais quelquefois pas tant que ça, vis-à-vis des réseaux sociaux, d'Internet. Il faut savoir aussi qu'il y en a pas mal d'entre eux qui sont incapables de s'en servir, c'est-à-dire qu'ils ont des comptes Facebook ou des comptes Twitter ou des blogs, mais ils sont incapables de s'y connecter parce que c'est fait par des assistants, c'est fait par d'autres personnes, et il y en a, ils sont totalement inaptes. Un mec comme Juppé doit être inapte à allumer ne serait-ce qu'un ordinateur. Je crois que Sarkozy l'a dit aussi, il est complètement à l'ouest, il n'y connaît que dalle en tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça. Donc, son staff de campagne, ses assistants, tout ça, évidemment, leur font utiliser ces moyens indispensables de communication. Mais donc, évidemment, ces gens-là pourraient supprimer les réseaux sociaux et tout ça, ils le feraient volontiers, parce qu'en plus, c'est générationnel aussi. Même si voilà, Sarkozy n'est pas si âgé, il y a une histoire de génération où ils sont encore avec les secrétaires, les assistants qui préparent tout sur papier, bon, même si ça peut être sur ordi, mais tout ce qui est les réseaux sociaux, c'est une culture de communication qui leur est complètement étrangère. Donc ces gens-là sont d'autant plus radicaux pour museler des choses qu'ils ne maîtrisent pas eux personnellement. Bon, rubrique numéro 2, la gauchiasse de la semaine. J'aime cette petite rubrique. Ah oui, je l'aime bien. Dis-nous tout. Je vais faire parler la personne. Emmanuel Cosse. Je sais que vous l'avez dit. La minute sexe. C'était arrivé à jumeler la minute gauchiasse et la minute friolante. Ben voilà, je mets un petit peu de. Voilà. Il y en aura pour tout le monde, je pense. Elle va vous calmer très vite toute seule. Ministre du logement de François Hollande, s'il vous plaît, quand même. Oui. Alors, Emmanuel Cosse en appelle aux humanistes, je cite, et aux progressistes. Oh. La ministre du Logement a exhorté ce jeudi sur Europe 1 les Français à dénoncer les actions extrêmement racistes contre des migrants, notamment après de récents coups de feu visant un futur centre d'hébergement à Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, en Bretagne. Je le précise. Selon Emmanuel Cosse, et là je la cite, des militants, notamment d'extrême droite, utilisent ça pour faire de la politique nauséabonde. Ah bah oui, ouais. Et je la cite encore, j'appelle tous les Français à simplement dire qu'aujourd'hui, c'est pas difficile d'accueillir sur l'ensemble du territoire de petits groupes de personnes, on peut le faire, a-t-elle lancé. Alors je m'abstiens de tout commentaire et je sollicite les vôtres en revanche. Alors si c'est pas difficile de dire qu'aujourd'hui on peut les accueillir, alors ben, on peut les accueillir, alors ça doit être ça. C'est vrai qu'on a des châteaux, on a des appartements, on a des grottes, on a tout un ensemble de logements pour les accueillir, ouais, ça doit être ça, c'est ça qu'elle veut dire. Elle veut dire, elle reprend, là parce que tu m'interroges, c'est juste ça, elle reprend en fait la phraséologie de Merkel qui dit en fait quand on veut, on peut. Voilà. D'accord. Oui, puis ce qui est très marrant. Excuse-moi, Mathilde, mais ce qui est marrant, c'est qu'elle dit des petits nombres. Mais où est-ce qu'elle a vu son petit nombre? C'est-à-dire que là, elle est dans le négationnisme. Hein. Alors, je pense pas qu'elle puisse se prendre un procès pour ce type de négationnisme-là. Hein, mais tous les chiffres sont lourds, quoi. C'est-à-dire que les gens qui veulent venir en Europe sont extrêmement nombreux, et les gens qui veulent venir en France un petit peu moins nombreux, parce que l'Angleterre et l'Allemagne sont privilégiés, la Suède, la Finlande aussi, le Nord là-bas. Mais sinon, la France, avec toutes ses facilités, avec toutes les Emmanuel Cosse qui leur facilitent le boulot, reste une terre d'accueil hautement privilégiée. Et ça n'est pas quelques groupes, ça n'est pas un petit nombre de migrants qu'il va falloir accueillir, puisque à partir du moment où on en accueille quelques-uns, pourquoi refuser les autres? À quel titre? Donc c'est vraiment vraiment bizarre qu'elle ose parler de petits nombres, quoi. Parce que c'est la première fois que j'entends ça. Non mais attends, tout le monde sait qu'aujourd'hui on a fait attends. Là il faut non, pas. Quand il y en a 50, pardon, Gandalf qui arrive dans une petite ville ou un petit village, donc 50 ou 70, c'est un petit nombre pour elle. Donc effectivement, dans son appartement, mais peut-être que les 70 ou les 50, elle pourrait les accueillir. Moi je trouve que elle a raison. C'est pas difficile, quand on veut, on peut. Ah bah, je suis sûr que chez elle, c'est très très grand. Hein. Déjà, il y a une obligation. Ah, oui, c'est sûr que c'est grand. Ça... On a tous des amis qui ont des grands appartements qui sont super propres. Non, mais c'est extraordinaire parce que vous voyez, vous voyez ces gens. Parce que ça, c'est des gens. Bon, faut parler clairement. Cette énorme truie dégueulasse avec son putain de quintal et demi qui vient vous faire la morale au petit matin parce que c'est sur Europe 1, donc je présume que c'est à 8h, quoi. Donc elle a dû s'envoyer un joint avant de commencer. Elle arrive, oui, alors bon, les gars, là, hein, on a tous le grand cœur, etc., surtout pour l'argent des autres. On va se foutre des 50, des 100 migrants, enfin bon, donc des nègres et des bougnoules, tu vois, dont on ne sait pas le passé, dont une partie est évidemment liée à des actions terroristes en Syrie et ailleurs. On va les coller dans des villages et elle vient de faire la morale, comme ça, à 8h du mat, en disant, voilà, tu vas les accueillir chez toi parce que, voilà, c'est quand même moral, etc. Alors que elle, en son privé, excusez-moi, c'est évident que cette femme-là n'en a strictement rien à foutre, parce que c'est du cynisme politicien à la petite semaine, mais c'est particulièrement révoltant. Moi, je trouve ça particulièrement révoltant de voir cette énorme truie nous faire du chantage à les modèles. Mais ça marche chez les gogos, ça marche chez les gogos, enfin, les gogos qui votent ELV, quoi. Parce que ça pèse combien électoralement, là, son parti à la con, là ? Ça pèse combien, ce truc ? Ça existe même pas, enfin, c'est une création du PS, enfin, aujourd'hui, bah, là, les élections. Ça dépend des élections, ça doit peser entre 2 et 5% avec des pointes à 10 ou mieux, mais enfin, des pointes à 10 ponctuellement sur des élections locales, et ça pèse pas lourd, hein. C'est un peu, voilà, ça vivote grâce au Parti Socialiste. Voilà. Non, mais il y a une côté de légitimité. Moi, je veux dire, quand quelqu'un vient me parler, je pose la question, c'est quoi ta légitimité? À la fois à titre individuel et politique. Or, c'est rien. Mais par contre, elle a une vraie capacité de nuisance. Et dans le même temps, excuse-moi, ministre du Logement. Il y a combien de SDF en France? Il y a combien de gens qui sont mal logés? Je veux dire, des petits vieux qui sont dans la précarité, etc. Elle a pas autre chose à foutre que nous expliquer qu'il faut loger le tiers-monde aux frais des autres. C'est aberrant. Comme aux États-Unis, on a pas mal d'anciens militaires SDF, on a pas mal de, enfin c'est moins qu'aux États-Unis quand même, mais c'est affolant que c'est, enfin comme tu dis, hein, c'est vraiment une folle dingue qui a personne derrière elle, mais qui a un haut pouvoir de nuisance de par la légitimité, enfin le crédit que lui accorde le gouvernement, quoi, le gouvernement et les médias. En dehors de ça, elle est seule avec sa sale tronche. Quoi. Ce que je me demande parfois, c'est si des gens comme la délicieuse Emmanuelle Coss imaginent un moment qu'il est possible que le vent tourne. C'est-à-dire que le vent tourne, mais complètement. Quoi. C'est-à-dire que voilà, les Français, les Européens se réveillent. Bon, alors là, je suis en pleine fiction, mais en espérant que ce soit réel un jour, et que voilà, on mette fin à l'invasion migratoire, et qu'à un moment on fasse payer aussi ceux qui nous ont amenés là. Je conseillerais peut-être à ces gens-là d'être assez prudents, parce que vu la radicalisation du peuple français qui est inespérée, mais malheureusement pas assez grande encore, mais il faut quand même voir que, enfin voilà, les gens qui voient arriver des migrants chez eux deviennent très radicaux, même des gens qui étaient apolitiques jusque-là, voire ne voyaient pas d'un mauvais œil l'immigration en France, du moment que ça arrive chez eux. Et là, ils sont en train de déclencher peut-être une révolte qui, j'espère, va prendre de l'ampleur. Mais ces gens-là ne se rendent pas compte que forcément leur éviction ne sera pas de manière forcément feutrée et que voilà, elle risque d'être sérieusement mise au régime à un moment ou à un autre si le pouvoir devait véritablement changer de camp. Donc, je demanderais à ces gens-là d'être un peu plus prudents dans leurs déclarations, sachant que leur avenir alimentaire et tout le reste n'est pas forcément assuré pour les décennies qui viennent. Mais moi, je propose de faire une action humanitaire, c'est de parachuter la grosse Emmanuelle Coss en Somalie, histoire de nourrir toutes ces populations affamées. Très bonne intervention. Bah déjà, si faudrait déjà la mettre au Weight Watchers, déjà, je pense que ça lui ferait les pieds pour commencer. Parce que elle vit bien, parce que moi j'aime bien ça, les gens qui ont le cœur sur la main avec le pognon des autres, mais visiblement, elle, à titre personnel, elle bouffe comme quatre. Hein. Oui, mais le foutre de Denis Baupin est très nourrissant, apparemment. Ah oui, mais oui, mais c'est vrai, ah oui, c'est vrai qu'elle est, comment dirais-je... Et je crois qu'il en a à revendre. Ah bien, et lui, il est un peu comme des SK, lui, c'est un stakhanoviste, hein. Il s'en fout de... Ouais, il a pas de... Lui, ouais. C'est chèvre, vache, c'est... Ah oui, non, bon, ça nous amène sur d'autres sujets, malheureusement. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un jour. Mais bon. Ouais. Ouais, oh mon Dieu. Oh là là. Bon, on va déposer un cierge à l'église pour Emmanuel. Emmanuel, on t'aime pas. Alors, pause musicale et on se retrouve pour la deuxième partie de notre émission où alors là, on va avoir une discussion assez libre mais articulée et qui va commencer par le référendum sur l'immigration en Hongrie. Il y a beaucoup de choses à en dire et on va comme ça dérouler le fil et on va arriver jusqu'en France, l'élection présidentielle avec Nicolas Sarkozy et ses méthodes de drague très lourdes en direction de l'électorat, on va dire, national ou patriotique, et ben ce que nous prépare le Front National, il y a peut-être quelque chose à en dire aussi. On se retrouve après la pause musicale. Toutou pour l'Algérie, l'Algérie. Toutou pour l'Algérie, l'Algérie. Toutou pour l'Algérie, l'Algérie. Toutou pour l'Algérie, l'Algérie. Toi, viens donc chez moi et sors du Sahara. Tu t'installeras à Courbevoie, c'est d'accord. Tu veux prier Allah, oui, viens. Viens donc chez moi et ramène ta smala. Tu vas voir, ici c'est sympa, on fait tous notre nez à culpa et on dit toutou pour l'Algérie, l'Algérie. Toutou pour l'Algérie, l'Algérie. Toutou pour l'Algérie, l'Algérie. Toutou pour l'Algérie, l'Algérie. Notre monde occidental, soumis au capital, vous a tout pris, tout dérobé, les colons vous ont bien entubé, mais si tu fais ta diaspora, je sais qu'il y aura bientôt un nouvel émirat. Maintenant, les Arabes sont les rois. Toutou pour l'Algérie, l'Algérie. Toutou pour l'Algérie, l'Algérie. Toutou pour l'Algérie, l'Algérie. Toutou pour l'Algérie, l'Algérie. L'Algérie, l'Algérie, toutou pour l'Algérie, l'Algérie, toutou pour l'Algérie, l'Algérie, toutou pour l'Algérie, l'Algérie. Toi, viens donc chez moi, tu nous enrichiras. J'ai tant d'allocats à te donner, viens chez moi, venez proliférer comme des rats. Laisse ta gêne là-bas et oublie ta casse-barre. Prends la Méditerranée, ramène tous les anturbanés. Toutou pour l'Algérie, l'Algérie. Toutou pour l'Algérie, l'Algérie. Toutou pour l'Algérie, l'Algérie. Toutou pour l'Algérie, l'Algérie. Toutou pour l'Algérie, l'Algérie. Toutou pour l'Algérie, l'Algérie. Toutou pour l'Algérie, l'Algérie. Toutou pour l'Algérie, l'Algérie. Toutou pour l'Algérie, l'Algérie. Toutou pour l'Algérie, l'Algérie. Toutou pour l'Algérie, l'Algérie. Toutou pour l'Algérie, l'Algérie. Nous revoilà pour la deuxième partie de notre émission numéro 16 de la première saison de Démocratie Participative. Et alors, là, on va. C'est une discussion assez libre, mais clairement balisée, vous allez nous suivre. Et on va commencer avec le référendum en Hongrie. Alors, le référendum en Hongrie était un moment très important, je pense, de la vie de l'Union européenne, ou de la mort, vous choisissez. Avec Viktor Orban, Premier ministre. De centre droit, hein, mais qui pour les critères français ou allemand ou belge est beaucoup plus à droite, voire à l'extrême droite, avait convoqué son peuple à s'exprimer donc sur la question d'un mécanisme voulu par la sinistre Angela Merkel, soutenu par l'Union européenne et Bruxelles et aussi Paris, quand même, faut bien le dire, pour imposer à tous les États membres, qui sont aujourd'hui 28, qui vont être 27 suite à la sortie de la Grande-Bretagne, pour leur imposer un certain nombre de migrants clandestins par pays. Migrants clandestins devenus donc réguliers par la seule magie du verbe Angela Merkel. Ce référendum donc a abouti à un non très clair à cette politique. Bon, je vais quand même donner des chiffres très précis sur ce référendum. Ensuite, on va discuter hein, sur les réactions diverses et variées, ou avariées. Alors, les Hongrois ont voté à 98,3% des suffrages exprimés contre les quotas de migrants. La participation a été évaluée à 45% des inscrits. Le taux de participation au référendum hongrois sur l'adhésion à l'Union européenne, donc c'est pour donner une comparaison, était de 45,6% pour 83,6% des suffrages exprimés en faveur du oui. Donc il y avait une forte participation sur l'adhésion de la Hongrie à l'Union européenne. Comment dirais-je ? Ah non, non, attends pour moi, je raconte des bêtises. Il était, comment dirais-je, la participation était de 45 et le oui était de 83. Voilà. Autant pour moi. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, ce référendum? D'abord, j'ai une réaction à chaud sur la réaction du référendum en lui-même. Ce non massif, 98%, impressionnant quand même. Bah, le résultat, oui, est impressionnant. Je m'attendais, parce qu'en plus, le gouvernement, faut quand même se mettre dans le, en France, on a un peu de mal à se mettre dans la situation de la Hongrie. C'est-à-dire qu'un gouvernement, déjà, qui demande l'avis de son peuple par référendum, déjà, on a un petit peu de mal, hein, même si on nous a demandé en 2005 et que, bon, le résultat n'a pas été pris en compte. Mais là, c'est quand même, sur le sujet qui intéresse les Européens, un gouvernement, donc, demande l'avis de son peuple et, en plus, fait campagne pour le non, c'est-à-dire non à l'accueil des migrants. C'est déjà, faut se mettre dans le contexte. Je m'attendais à un score élevé, évidemment, en faveur du non. Mais à 98%, c'est voilà, bravo les Hongrois. Là, on les salue de bien bas. C'est très impressionnant. Malheureusement, ils sont pas assez mobilisés, mais ils sont pas assez mobilisés, c'est parce qu'on, à mon avis aussi, pas assez mobilisés. Limite, on s'en fout. C'est tout à fait légitime. Hein. Faut voir les élections françaises, le taux de participation ces dernières années, c'est pas glorieux non plus. Mais le score, à mon avis, aurait été à peu près le même. Je pense que beaucoup ne sont pas allés voter. Quand le résultat est connu d'avance, beaucoup ne se déplacent pas dans les urnes. Donc, je crois que le résultat est tout à fait valable. Et c'est une embellie, c'est un rayon de soleil, une éclaircie dans ce nuage sombre que représente l'invasion migratoire massive et ininterrompue qu'on connaît, et là, de plus en plus accélérée qu'on connaît ces derniers temps. Donc, à mon avis, ça va donner surtout pas d'idée à nos gouvernants de faire un référendum de ce type. Mais on faut saluer l'initiative. Il fallait bien s'attendre à ce qu'ils trouvent un moyen, enfin les promoteurs de l'invasion de l'Europe trouvent un moyen de discréditer ce référendum, c'est-à-dire de dire que voilà, il n'y a pas eu... Il fallait voir quand même les titres des informations « Échec ». Pour Orban, oui. Il mettait échec du référendum. Les gens qui lisent que le titre, ils disent « Ah merde, échec !» Donc c'est-à-dire que les gens ont rejeté la proposition, ils sont d'accord pour les migrants, il y a une erreur. Non, 98%, mais le titre c'était quand même un échec. Donc là, c'est de... Ah, notre ami Argan, il nous a quitté là. C'est de plus en plus gros. Autant pour moi, j'avais eu un problème d'enregistrement. Argal, est-ce que tu peux me refaire ta réaction? Désolé. Bon, c'est pas grave, on coupera. Non, je peux la refaire, mais... Oui, je peux la refaire. Par contre, je sais plus trop, là je suis parti, Ouais, c'est marrant parce que tu me demandes de refaire le truc, c'est plus compliqué. Parce que je suis plus sur quoi j'ai pris l'accroche. Sur le fait que... Ah bah merde, putain. Non, à la le fin, t'as fini sur... La presse française considérait le référendum hongrois comme un échec. Tu me dis quand? Maintenant, vas-y. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est le traitement de la presse française et européenne de ce référendum, qui est quand même une victoire mais écrasante, une véritable embellie en fait dans la vague sombre d'immigration-invasion qu'on peut avoir, puisque, comme tu le disais, plus de 98% des votants ont voté contre l'accueil de migrants en Hongrie. On peut imaginer aussi que beaucoup ne sont pas allés voter, qui ne voulaient pas non plus de migrants, mais ne sont pas allés voter parce que le résultat était connu d'avance. Et c'est, on a du mal à se mettre dans le contexte hongrois, nous en France, en imaginant un gouvernement déjà qui nous demande notre avis sur les migrants et qui en plus fait campagne pour le non. Là, on a du mal à s'imaginer, voilà, que François Hollande annonce un référendum sur l'accueil des migrants en France et que Manuel Valls et tout son gouvernement fassent campagne pour qu'on vote non pour l'accueil de ces richesses venues d'Afrique et d'ailleurs. Enfin, la presse française et européenne a réussi le tour de force après cette victoire écrasante, on va dire, de cette réaction identitaire ultra majoritaire au sein d'un peuple européen fier de son identité et qui ne veut pas se faire envahir, a réussi à titrer, mais c'est ça, je l'ai vu partout, échec du référendum en Hongrie. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que c'était un échec parce que le taux de participation, qui était d'un peu plus de 40%, n'était pas suffisant selon les critères de l'Union européenne pour que ce soit pris en compte, même si l'Union européenne et les différents zélateurs de l'immigration-invasion avaient dit de toute façon ce référendum n'a aucune valeur puisqu'il n'a pas à se substituer aux directives européennes. Donc là, c'est une mauvaise foi caractérisée d'organismes supranationaux, de mondialistes vexés, qui a un peuple qui se réveille et qui montre la voie aux autres peuples européens. Je pourrais rajouter aussi que ce score absolument énorme, presque unanime, prouve aussi qu'il y a un rejet radical de cette invasion migratoire. Les gens ne veulent pas d'Africains chez eux, les gens ne veulent pas de Maghrébins chez eux, les gens ne veulent pas d'Indiens, ou que sais-je, ou d'extra-européens, ils n'en veulent pas, ils ne veulent pas de ces gens-là, ils veulent qu'on les foute dehors, et je crois que si on faisait un référendum global au sein de l'Union européenne, même s'il serait à mon avis pas à 98%, ce serait une majorité écrasante, parce que la plupart des Blancs, même les plus léthargiques, ont compris que là, on était en train de basculer dans le chaos ethnique. Et là, c'est un message clair, et à mon avis, les gouvernements des autres pays ne sont pas là d'offrir un référendum à la population, quelle que soit la valeur de ce référendum. Ouais, ce qui était stupéfiant d'ailleurs, c'est la presse, qui, comme tu l'as très bien dit, était vraiment immonde sur le sujet, se plaignent du faible taux de participation, alors que le taux de participation aux dernières européennes en France, il était de 42%, tu vois, c'est quand même pas beaucoup. Et en Hongrie, 25% de participation. Donc c'est un succès génial pour Orban. Ils arrivent à faire passer ça pour un échec, c'est vraiment immonde. Alors réaction de l'Union européenne officielle. Hein. Voici ce que diffuse donc les Euronews, hein, qui est un média donc clairement d'extrême gauche, hein, pro-Union européenne. Voici ce qu'ils disent. Alors, la Commission européenne a déclaré ce lundi prendre note des résultats du référendum anti-réfugiés. Alors bon, nous on sait très bien à quoi s'en tenir. Hein. C'est anti-clandestin, voire anti-colonisation en Hongrie. Et là, ils ajoutent sans triomphalisme. Donc c'est-à-dire que eux, ils pensent que c'est une victoire. Et oui, c'est une victoire, mais enfin c'est une victoire en demi-teinte quand même. Les responsables européens ont eu peur. Ils craignaient que le référendum hongrois ne porte un nouveau coup à une UE, une Union européenne, déjà malmenée par une succession de chocs, de la crise migratoire au Brexit. Et là, ils citent les responsables. Nous respectons le choix démocratique de l'ensemble du peuple hongrois. Accrochez-vous. Ceux qui ont voté et ceux qui n'ont pas voté. Nous pensons que c'est au gouvernement hongrois de décider quelle suite à donner à ce référendum, a déclaré Margaritis Schinas, porte-parole de la Commission européenne. Alors ça c'est fascinant. Permettez-moi de m'arrêter 5 minutes. Alors, le choix démocratique, donc c'est-à-dire c'est un choix électoral. Choix démocratique, vous êtes conviés à vous exprimer sur une question, vous vous déplacez, vous votez. Alors eux, ils estiment que ceux qui n'ont pas voté, ils ont quand même voté, mais à leur corps défendant. C'est-à-dire qu'eux, ils lisent dans le marc café, et alors ils savent ce qu'ont pensé des gens qui ne sont pas déplacés. Et ils vous disent en substance que, en fait, ceux qui ont voté, ils ont voté oui à 98%, et ceux qui ont pas, qui sont pas déplacés, bah, ils ont voté non. Voilà. Et ils disent, bon, bah, du coup, voilà, du coup, bah, oui, vous avez eu 45% de participation, vous avez eu 98% pour le non, bon, d'accord. Enfin, il y en a quand même 56% qui sont pas déplacés, donc ça veut dire qu'ils ont voté non. Donc, maintenant, on attend du gouvernement hongrois qu'il prenne des décisions, c'est-à-dire, en gros, d'accueillir tout le tiers-monde sur son territoire. Extraordinaire. Réaction officielle de l'Union européenne. Bah, alors, à tous les états, c'est digne d'un communiqué, comment dirais-je, du Soviet suprême de l'Union soviétique. C'est vraiment du même top, du même acabit. Hein. Ouais, mais ils sous-entendaient peut-être qu'en fait, la population qui était favorable à l'accueil des migrants, majoritaire, hein, puisqu'il y a eu que 42% de participation, en fait, était terrorisée par le régime fasciste d'Orban. À mon avis, il y a ce sous-entendu quand même que, en fait, les gens voulaient accueillir les migrants, mais ont tellement peur de ce régime absolument ignoble, parce que les Hongrois vivent dans la terreur, hein, faut se rendre sur place, c'est incroyable. L'occupation soviétique, c'était un bonheur à côté. Alors, c'est bien d'avoir souligné, MacDav, cette histoire d'élection de l'Union européenne, parce que, alors, le rôle perfide, pervers, délétère de la presse occidentale, aux ordres, évidemment, des bienfaiteurs de l'humanité que vous connaissez, j'ai pas besoin de les nommer, évidemment, on tirait à vue en focalisant sur la participation. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont dit, voilà, la participation invalide, délégitime complètement ce référendum, voilà, donc on passe ça par pertes et profits, donc ça veut dire que on peut continuer comme si de rien n'était. Enfin, vous allez me dire que même quand la participation est bonne, comme le référendum en Hollande, en France ou en Irlande, et quand le résultat n'est pas le bon, ils s'en foutent. Bon. Alors, bon, ils en sont continués. Ça va. Attends. Mais je te laisserai répondre sans difficulté, bien évidemment, après. Mais sur le taux de participation aux élections européennes, comme tu l'as dit, MacDav, en France, c'était 42%. Sur les 28 États membres, c'était également 42,6%. Donc, je veux dire, il y a une désaffection complète. Toi, tu as carrément souligné la participation en Hongrie aux élections européennes de 2014, c'était, je crois, 25%. Donc, on a des populations européennes qui ne croient pas du tout à la crédibilité de ces structures. Le taux d'abstention est colossal, c'est pas du tout une nouveauté. Mais quand ça survient pour les élections européennes, on n'entend pas du tout les classiques de l'Union européenne ou les classiques des gouvernements occidentaux pérorer sur la nature illégitime du suffrage en disant voilà, c'est bien la preuve que l'Union européenne n'a aucune crédibilité, etc. Alors là, c'est silence radio, au contraire. Qu'est-ce que. Bon, bah, Matsek, si tu voulais intervenir, je t'en prie, vas-y, si t'as envie de dire ton petit mot là-dessus. Les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Bon, ils ont osé. Ça va passer avec nous, parce qu'ils ont leur connerie rentre en résonance avec nous, puisque les Français, les Allemands, tout ça, on est des gros connards. Par contre, qu'ils s'attendent pas à ce que les pays de l'Est gobent toute cette merde et acceptent leur dérive totalitaire, quoi. Parce que il y a, comme le disait Hartgale, s'il y a seulement 48% des gens qui ont voté, c'est parce qu'ils savaient que le vote était acté, quoi. Personne ne voulait des migrants. Donc, à partir de là, beaucoup de gens ne se sont pas déplacés. Et ils vont essayer de ne pas prendre en compte ce vote. Ça passera pas avec les pays de l'Est. Hein, parce qu'il y a plusieurs Europes économiques, mais il y a aussi plusieurs Europes sur le plan de la mentalité, de la culture. Ces pays-là n'ont pas été embourgeoisés. Et Argyle avait utilisé le terme de réveil en parlant des Hongrois, et en fait pour les Hongrois c'est même pas un réveil, c'est que les Hongrois ne se sont jamais endormis, enfin les Hongrois c'était particulier, mais les Rouges les ont mis dans le formol pendant 80 berges, tous ces pays de l'Est. Mais en réalité, ils sortent, ils sont frais, quoi. Ce sont des peuples frais qui ont envie de vivre, qui ne se sont pas reposés sur leur laurier comme nous, qui sont pas des peuples embourgeoisés. Pour eux, le terme de réveil ne convient même pas. Ils se sont jamais laissés enfumer, ils sont jamais tombés dans toutes ces merdes, quoi. Ni les Croates, ni les Serbes, ni les Hongrois, ni les Ukrainiens. Enfin, aucun. Bon, les Ukrainiens, ils sont peut-être un peu plus russes qu'autre chose, mais. Bref, les pays de l'Est ne boufferont pas toute cette merde. J'espère que ça va faire réfléchir les Serbes, d'ailleurs, quant à leur adhésion à l'Union européenne. J'espère que parce que moi, je crois beaucoup au salut par l'Est. Hein. Je sais pas, on a beaucoup de... On en a une démonstration éclatante. Enfin, là, c'est l'Europe centrale, mais on a une démonstration éclatante. Alors moi, je veux revenir sur la notion de quorum, parce que du coup, comme la presse avait... Parce que, vous voyez, ils auraient pu dire... Scandale, quelle horreur. 98% des Hongrois sont contre l'accueil des nègres, des bicots, des bounoules, des pakistanais, des semi-syriens djihadistes, etc. Mais ils ont dit non, oh là là, c'est invalide. Le référendum est invalidé. Formidable formule, sauf qu'il faut rentrer dans le détail. Parce que le diable est dans les détails. Alors, voici, il faut quand même s'arrêter là-dessus. Le quorum. On nous a dit, c'est un référendum qui n'est pas valide parce que il faut, selon la constitution hongroise, 50% de participation pour qu'il ait un effet, pour qu'il contraigne le Parlement à appliquer la décision du peuple. Oui, mais enfin, il faut simplement dire les choses, 5 secondes. Effectivement, il faut 50% pour forcer le Parlement à suivre la décision du peuple. Mais qu'est-ce que nous dit le résultat? Il nous dit que 98% des 44% qui se sont exprimés soutiennent la politique gouvernementale, donc soutiennent la majorité parlementaire. Donc ça n'a aucun sens de s'arrêter sur cette histoire de quorum, puisque ils sont pas 50%, mais quel intérêt, puisque s'ils avaient été 50%, ça aurait simplement eu un effet contraignant sur le Parlement. Or, le Parlement avait fait campagne pour le non, et ils ont reçu 98% des 44%. Donc c'est une escroquerie intellectuelle. Mais les médias occidentaux ont usé et abusé de cet argument pour tenter de casser la légitimité de cette consultation. Moi, j'ai vu une intervention de l'ambassadeur de Hongrie dans les médias français, où on voyait un journaliste haineux, comme seul le service public français, enfin le service communiste français peut en produire en France, sauf qu'il s'est très bien défendu, d'ailleurs dans un excellent français, souvenez-vous, en expliquant très clairement que les questions étaient mal posées, mal formulées. C'était intéressant à voir, hein, parce que tous les poncifs de la propagande étaient cassés en huit par quelqu'un de très bien articulé, d'un cerveau bien construit, qui expliquait ce que je viens de dire, hein, disant voilà, attendez, il faut s'entendre sur le mot quorum, c'était un référendum consultatif qui aurait eu un effet contraignant à plus de 50%, mais on était tous sur la même longueur d'onde en quelque sorte. Alors, je voudrais juste revenir aussi sur le score de 98%. Imaginez que c'est un pays sans gauchistes, ça veut dire. C'est-à-dire que c'est un pays où il n'y a pas d'Emmanuel Cosse, il n'y a pas de Clémentine Autain, il n'y a pas de gauchistes dégénérés ethno-masochistes qui veulent métisser, qui veulent arabiser, africaniser leur population. Ces gens, là-bas, il n'y en a pas en Hongrie. Et ça, c'est quelque chose qu'on a presque, nous, en tant que Français, du mal à concevoir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette espèce de vermine destructrice de son propre peuple, ils ne l'ont pas chez eux. C'est-à-dire, je pense qu'ils sont débarrassés de tout ça avec le communisme, et ils ne vont pas laisser revenir ce genre de saloperie. Oui. Et ça, c'est quelque chose que nous, Français, avons presque du mal à concevoir. Bah, malheureusement, le communisme est plus vivant que jamais en France. Alors, dans des formes atténuées, on va dire des formes socialisantes, mais bien vivante, bien enracinée, qui a établi ses quartiers généraux à tous les niveaux de l'État et d'institutions. Bien enraciné, ouais, y a pas de souci. Oui, non, mais c'est terrifiant. Alors, t'as raison de le souligner, c'est-à-dire que c'est un pays désespérément normal, la Hongrie, avec des comportements désespérément sains, et qui s'exprime de façon naturelle, en disant non, excusez-nous, on n'a pas envie de se faire remplacer par des bougnoules et des nègres qui vont ensuite implanter des cellules djihadistes partout, parce que nous sommes en pleine période de... Moi, c'est ça qui me fascine. On est en pleine période de terrorisme. Il y a l'État islamique, il y a la Libye, il y a le chaos partout. L'islam revendicatif, revanchard et conquérant est déchaîné. C'est une réalité. On a eu le Bataclan en France, pas en Hongrie, en France. Et nous avons, nous, des ministres, nous, des médias, qui nous expliquent qu'il faut accepter les migrants, alors qu'on sait que par ces filières se glissent des assassins, des meurtriers en puissance. C'est quand même aberrant, alors que ces gens-là, Hongrie, comme tu l'as dit, n'ont pas eu besoin d'expérimenter ces drames pour avoir des réflexes sains et logiques et cohérents. Et là, on se rend compte qu'en fait, nous avons affaire à des populations chez nous, qui sont des populations malades, profondément malades, des populations qui ne se comportent pas naturellement. Et là, c'est inquiétant, mais enfin, en tout cas, on voit bien qu'il y a, comme tu l'as dit, Astérix, une Europe centrale et une Europe de l'Est qui est, même si elle a des problèmes, évidemment, qui a encore des réflexes et un instinct de survie qui fonctionne. Et nous, on a des élites qui recherchent la mort. C'est ça qui est quand même assez terrifiant. Alors, j'enchaîne sur la question du référendum. Parce que ils ont tiré à boulet rouge sur la Hongrie, mais enfin bon, alors du coup, on suppose donc que si la Hongrie est un enfer fasciste, si terrifiant d'ailleurs qu'il demande la vie à sa population, c'est que la France est un paradis de la démocratie, évidemment. Alors là, pour le coup, évidemment, la République française est en avance sur la question. Et là, je soumets à votre sagacité, chers amis, un exemple très concret qui est pas vieux, hein, c'est pas vieux du tout, de démocratie participative. C'est le thème aussi de notre émission. Alors voici ce qui s'est passé à Alex. Le maire d'Alex, une petite commune de la Drôme, a renoncé ce samedi, donc c'était la semaine dernière si ma mémoire est juste, à organiser un référendum local sur l'accueil des migrants de Calais invalidés vendredi par la justice. Je cite le maire. C'est devant l'intransigeance de l'État et par la contrainte que j'annule le scrutin qui était prévu ce dimanche. J'ai outrepassé volontairement mon niveau de compétence, j'ai voulu faire en sorte que la démocratie s'exprime. Le maire, alors donc là je continue l'article, autant pour moi. Les Alexois et les Alexoises sont bâillonnés, a-t-il insisté. Je cite l'article hein, de la presse locale. Le maire a également dénoncé un acharnement de la préfecture, rappelant que 3 enquêtes, dont 2 en urgence, avaient été déposées devant le tribunal administratif. C'est beaucoup pour un maire d'une commune de 2500 habitants, a-t-il fustigé, en précisant qu'il allait reprendre la consultation avec la population par d'autres moyens. Et alors là, le petit topo sur la situation là-bas. Le 13 septembre, le conseil municipal d'Alex, où l'État a ouvert un centre d'accueil et d'orientation, un CAO, pour 50 migrants dans un château à l'écart du village, avait voté à l'unanimité et à main levée l'organisation d'un référendum sur le sujet. Le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la préfecture de la Drôme, donc à l'initiative du gouvernement, s'était opposé vendredi à l'organisation de ce référendum dans la mesure où l'hébergement d'urgence ne relève pas de la compétence de la commune, mais de l'État. 11 premiers migrants étaient arrivés la semaine dernière dans la commune, originaire d'Afghanistan, d'Irak et du Soudan, des démocraties avancées, comme vous le savez. Alors, là, pourquoi je suis un peu long là-dessus, c'est parce que là, on a un exemple de démocratie. Ouais. La Hongrie, c'est le fascisme. La France, c'est la consultation populaire, la transparence, etc. Votre réaction là-dessus, là, parce qu'on s'en prend partout des migrants en France. Moi, je voudrais revenir sur les préfets. C'est là qu'on voit. Bon, je vais essayer de rester poli, mais c'est vraiment les larbins, les sbires du gouvernement. Et ce sont des types qui. Voilà, c'est comme on a pu voir sous la Révolution, ceux qu'on fait des massacres au nom de la République, c'est ces gens-là, mais c'est les pires serviteurs des bases œuvres des gouvernements, et là, ils appliquent, faut voir avec quelle gourmandise, avec quelle haine absolue ils peuvent appliquer le rouleau compresseur républicain et gouvernemental, en méprisant totalement, en écrasant totalement toute réaction populaire. Je pense que les préfets auront même jusqu'aux consignes de destituer des maires qui s'opposeraient trop violemment. On l'a vu pour le mariage pour tous, les maires qui refusaient de marier les tarlouses étaient menacés d'être destitués. Donc là, ça va être pareil. Les maires qui vont trop insister à être à la tête de manifestations anti-migrants ou à organiser des référendums vont, à mon avis, être menacés d'être destitués. On en est là. Il est clair que c'est un plan qui a été prévu, puisque, en fait, pourquoi il y a cette ventilation de clandestins dans toute la France? Parce que ça va être l'acte présidentiel de pré-campagne présidentielle de Hollande, c'est le démantèlement de la jungle de Calais. Donc il faut ventiler entre 10 et 15 000 Africains rapidement. Et donc il faut en mettre partout, de telle façon à ce qu'il n'y ait pas un nouveau point d'ancrage où on va dire, attendez, Calais, vous l'avez mis à tel endroit. Non, là, il ventile un peu partout en campagne de manière rapide. Et donc là, ordre est donné aux préfets, tous socialistes, tous francs-macs, de mettre ça en place par tous les moyens, avec Cazeneuve qui les soutient. Et donc les menaces sont tout à fait... je pense qu'il ne ment pas du tout. Il faut pas imaginer les menaces qui doivent peser sur les maires courageux qui ont décidé de s'opposer à l'implantation de clandestins chez eux. À mon avis, les menaces doivent aller très loin de la part de préfets ou de directeurs. Alors, oui, il y a pire que le préfet, il y a leur directeur de cabinet, en général des énarques fraîchement émoulus, et eux, alors là, sont dans une haine absolue parce qu'ils sont dans le zèle. Eux espèrent être préfets un jour, espèrent faire leur petite place, et eux font un excès de zèle, mais inimaginable. Rien que physiquement, ils sont à gerber, les nanas comme les mecs, et t'as véritablement envie de leur claquer la gueule sur le trottoir, comme dans un film célèbre. C'est ces gens-là, mais ce sont les pourritures de la République. Alors ça, c'est un vrai sujet. Parce que ça pose la question, pour le coup, de la démocratie directe, la démocratie participative. Alors, tous nos auditeurs sont forcément pas des démocrates. C'est pas moi qui leur en ferai le reproche. Je suis très ouvert. Je suis très ouvert, très tolérant. Mais là, on touche le sujet. Parce qu'en fait, quand on s'intéresse aux mécanismes de cette république jacobine, d'inspiration robespierriste, qui s'est tapé ensuite des couches de ce socialisme, de communisme et de gauchisme, on a affaire à une vieille structure, mais qui montre enfin, à la faveur de cette crise migratoire, son vrai visage. Parce que là, les gens voient, dans leur quotidien, et de façon visible, tellement visible d'ailleurs que ça a des faces bariolées, hein, c'est clair, comment ça fonctionne. Ça veut dire que vous élisez des maires, oui, vous élisez Pierre, Paul ou Tartampion, formidable. Sauf que ça n'a aucune espèce d'importance. Pourquoi ? Parce que derrière, qui contrôle ? C'est l'appareil d'État, la technocratie, la bureaucratie. Des gens qui ne sont pas élus, anonymes, qui, eux, servent des lobbies interlopes et autres. Et ces gens-là ont un agenda. Et là, les gens découvrent qu'ils ont beau avoir élu quelqu'un de je ne sais pas quelle tendance, qu'ils connaissent très bien, mais ils se rendent compte qu'il n'a aucun pouvoir. Et que le préfet décide, voilà, je vais vous foutre une couche de nègre dans votre commune, ça vous plaît pas, c'est le même tarif. Vous voulez faire une consultation populaire, monsieur le maire ? Très bien, je m'assois dessus. Ferme bien ta grande gueule. Voilà. Et on se retrouve, à l'époque, bah, comme de la terreur, quoi, où à l'époque, le nom des préfets s'appelait pas les préfets, c'est les représentants en mission ou les commissaires de la République, là c'était plutôt durant l'épuration, où il y avait une espèce de retour du jacobinisme révolutionnaire. D'ailleurs, on a affaire à des gens qui s'estiment seul légitime à décider de la destinée d'un peuple en son entier. Et c'est la différence entre une démocratie et une république. Une république, c'est des gens qui, au nom d'une pseudo-représentativité, décident de tout. Une démocratie, c'est quand le peuple s'exprime sur tout. C'est pas du tout la même chose. Et ils jouent d'ailleurs sur l'ambiguïté. Intéressant à relever, mais là on a vraiment l'expression. Donc maintenant, vous allez vous bouffer du nègre, du bougnoul, du musulman, du djihadiste, parce que tous ces gens-là, croyez-moi bien qu'ils n'ont pas fait le filtrage entre-temps, hein. Je sais pas comment ils le feraient. Puisque d'ailleurs Manuel Valls s'est fait un honneur de refuser de toute discussion avec Bachar al-Assad, le président de la Syrie, pour échanger des données relatives au profil des différentes personnes qui passent en Europe. Alors que Bachar al-Assad avait dit « je peux vous donner des informations ». Et effectivement. Et d'ailleurs, ça n'a pas fait plus de scandale que ça. Bah évidemment, puisqu'ils sont... Bah évidemment. Donc, le gouvernement français s'est enorgueilli d'avoir refusé les informations sur les djihadistes, on les a accueillis, on les loge dans des châteaux, même comme à Alex. Quand le maire de la commune dit « je veux consulter la population pour avoir son opinion », le gouvernement intervient et c'est laquais que sont les préfets, dit « hey, on arrête vite les frais ici, on n'est pas en démocratie, c'est nous qui savons mieux que vous », et on va foutre toute cette clique au pied de vos maisons, au pied de vos écoles, et advienne que pourra. Sidérant, incroyable, on a guillotiné des nobles pour moins que ça. Enfin, je me réfère à l'histoire de France. Hein. Oui, bah bien sûr, il y a pas d'appel à la violence. D'ailleurs, moi j'allais me faire le relais de certains commentaires que j'avais vus, que j'avais entendus concernant les préfets. Faut que les préfets fassent attention hein, avec leur petit jeu, parce que contrairement à Bernard-Henri Lévy qui nous pisse dessus depuis le hublot de son jet privé, les préfets sont pas très loin des gens. Il faut qu'ils fassent attention, quoi. Parce que moi je sais qu'il y a une haine assez incroyable qui commence à monter à leur encontre, et on le comprend à l'écoute de ce que tu viens de nous raconter là, hein. On le comprend tout à fait, même si moi évidemment personnellement j'appelle pas à la violence, mais bon, il faut l'avoir rencontré pour voir l'arrogance de ces gens là ils sont méprisants, mais arrogants, sûrs de leur fait, mais c'est presque un appel, leur attitude vis-à-vis d'opposants politiques, et c'est presque un appel à la violence. Ils ne se rendent pas compte. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte de leur arrogance. En plus, c'est vraiment les archétypes de bureaucrates issus d'écoles pourris jusqu'à la moelle, comme l'ENA, comme ou certains qui viennent de l'ENM. Enfin, c'est vraiment là, on a la quintessence de la pourriture républicaine. Et ces gens-là sont véritablement, il y aura rien à en faire de ces gens-là. C'est vraiment l'avant-garde de la bureaucratie, des lobbies, de tout ce qu'on déteste le plus, nous, en tant que nationalistes. Bah, c'est-à-dire que ces gens-là, il faut bien comprendre, c'est une aristocratie républicaine. Mais aristocratie n'est même pas le bon terme, parce que l'aristocratie veut dire le pouvoir par les meilleurs. On sait très bien que c'est les pires. Donc ce sont des gens qui évoluent en vase clos, d'ailleurs. Ils se connaissent tous. Ils sont solidaires comme pas possible. Mais ils savent qu'ils ont le pouvoir de l'État derrière eux. D'où leur arrogance, c'est de là que ça provient, cette sûreté, ce mépris à l'égard du peuple, à tel point qu'on puisse même le violer et le mettre en danger, parce que, attention, implanter des bambous là partout comme ça, dont on sait que certains sont des djihadistes, t'as intérêt d'être sûr d'avoir un soutien derrière toi pour oser imposer ça aux gens. Et ça ne me paraît pas tellement différent, les noms ont changé, mais ça me paraît tellement différent de ce qui s'est passé en 1788-89, avec des aristocrates complètement décadents, sur leur fête, en disant « Mais oui, mais attendez, mais mon pauvre ami, j'ai des siècles derrière moi. » Et soudainement, qui se font alpaguer par des gens qui n'en peuvent plus. Alors, la Révolution française, on peut en dire beaucoup de choses, du mal aussi, certainement, mais, enfin bon, il y a un fait social, et je pense qu'on est aussi là, en face d'un fait social. Alors, du coup, permettez-moi d'enchaîner, le référendum devient à la mode, parce que l'élection présidentielle se présente, et les candidats à la primaire de la droite, enfin la droite, bon, des républicains, ne savent plus quoi inventer pour attirer le chaland, en quelque sorte. Alors, Nicolas Sarkozy intervient sur ces entrefaites, vendredi 7 octobre, et, comment dire, ce faisant... ne manque jamais de solutions à l'emporte-pièce pour faire voter en sa faveur. Alors voici ce qu'il dit. À l'avant-veille d'un meeting, donc c'était, je pense, à l'avant-veille, donc c'était dimanche, je pense, prévu aux Îles de Paris, Nicolas Sarkozy a annoncé sa volonté de proposer aux Français deux référendums le 18 juin 2017. 18 juin. Date du second tour des législatives. Il s'agirait de demander aux Français d'approuver deux de ces propositions qu'il avait déjà annoncées par le passé. Je donne les propositions, la suspension automatique des regroupements familiaux et l'internement administratif des individus fichés S, les plus dangereux, S pour sûreté de l'État. Ça nous inclut tous, chers amis, j'aime autant vous le dire. La solution référendaire, c'est, je le cite, « faire le choix de la démocratie », a justifié M. Sarkozy qui avait déjà proposé des référendums lors de la campagne de 2012, invoquant le général de Gaulle, pourquoi pas. Avant de justifier le recours au référendum sur les regroupements familiaux, l'ex-chef de l'État a indiqué... Alors là, ça vaut son pesant de cacahuètes. L'explosion démographique que connaît l'Afrique, qui va doubler de population en 30 ans, fait que nous ne pourrons plus, de mon point de vue, accepter l'automaticité du regroupement familial pour les étrangers non communautaires. Monsieur Sarkozy a évoqué aussi un problème gigantesque d'une intégration républicaine qui ne marche plus. Alors là, je prends vos commentaires, je sais déjà à quoi ils vont ressembler. Bah, Sarkozy, c'est l'un des premiers à mériter la corde. Enfin, faut le dire, hein. Ce type ne croit en rien, n'a pas d'opinion, ment comme il respire. Et je crains malheureusement, même si les Français sont quand même de moins en moins dupes, qu'il fasse un score assez correct à la présidentielle en utilisant Attends, la. Attends, on est au primaire, hein. On est au primaire. On ne sait pas qui va être le candidat de la droite encore. On ne sait pas. Alors, moi, je pense qu'il faut raisonner. Au même titre qu'un socialiste va aller flatter le vote immigré ou le vote musulman, Sarkozy, lui, pour ses primaires, il est obligé d'aller flatter l'électeur FN. C'est-à-dire qu'il il essaye d'attirer les gens qui votent FN habituellement ou qui seraient susceptibles de voter FN vers lui. Alors il va peut-être même y arriver parce que Marine Le Pen, à côté de ça, s'est jamais autant gauchisé. Donc là, lui, il fait de la surenchère à droite. Bon, on sait ce qu'il en est, mais il faut dire que c'est aussi crédible ce qu'il propose, ben, surtout s'il était élu sur la mise en œuvre de ce qu'il propose, il ne le fera pas, c'est évident. C'est aussi crédible que les mains tendues des socialistes vis-à-vis des, des musulmans, voilà, ils sont sur des parts de marché. Ces types-là, ce sont sur des parts de marché, et là, il sait que lui, et il ne va pas aller prendre dans le centre mou, puisque ça, c'est Juppé qui les aura. Donc lui, il essaye d'aller plus à droite, essayer de, voilà, de flatter les républicains les plus à droite en faisant un peu de surenchère. Il n'y croit pas une seule seconde, il en a rien à foutre. Comme on le disait tout à l'heure, comme Gandalf le disait tout à l'heure, tous ces gens-là qui veulent des migrants n'en ont rien à foutre des migrants. Ils sont sur une position, bon, certains sont sur une position idéologique, mais voilà, ils n'en veulent pas chez eux. Bon, Sarkozy, lui, se fout complètement. Il s'est très bien jamais dérangé par ce soir. Déjà, il faut quand même dire, c'est un ignoble rat cosmopolite qui est un métèque absolu, qui a fait campagne sur le métissage en 2008. C'est quelqu'un qui voulait métisser les blancs avec toute la pire faune venue du fin fond de l'Afrique, des nègres immondes dont il a le secret. C'est quelqu'un qui a posé les bougnoulettes, des négresses, là, comme Ramayad et autres, qui, hormis leur qualité raciale ou leur défaut raciaux, c'est vous qui choisissez, les a nommés ministres, quand même, excusez-nous, quoi, avec Rachida Dati, là, la pétasse. Tu remettrais en cause les capacités intellectuelles et politiques de Rachida Dati, toi. En tout cas, visiblement, elle baisse suffisamment bien pour pouvoir avoir été jusqu'au gouvernement. Apparemment, elle a du rendement, la beurette. Ah putain, oh la vache. Enfin bon, n'empêche que c'est lui qui a fait la discrimination positive, qui nous a, c'est-à-dire qu'en plus de se taper des couches de nègres, des couches de crouilles de partout, en plus c'est lui qui nous a dit, mais en plus de ça les gars, on va se taper là, le médecin béninois, vous savez, ce mirage qui doit évoluer quelque part, je ne sais pas où, dans le Sahara, vous voyez, le médecin béninois, le génie, là, il y a Francis Huster et ses montagnes, et puis il y a Sarkozy et ses médecins béninois. Alors lui, il nous a collé dans les pattes en plus du reste, et Toto arrive la bouche en cœur, voilà. Alors les gars, faut bien qu'on s'entende, maintenant là, c'est du racisme à tout craint, moi je vais vous faire du truc contre le regroupement familial, le même tocard qui a supprimé la double peine, c'est-à-dire qui nous a fait garder sur le territoire français la pire raclure du Maghreb et d'Afrique, c'est-à-dire les violeurs, les braqueurs, les égorgeurs en tout genre, c'est Toto qui nous les a collés, c'est pas quelqu'un d'autre. Il déboule avec son référendum, le même qui a truandé le référendum de 2005. Parce que ça, il faut quand même le dire, s'il y a quelqu'un qui a tué le référendum en France, c'est Sarkozy quand même. Et plus c'est gros, plus c'est il a pas de face, comme diraient les Marseillais. Mais c'est un thermomètre, c'est-à-dire que Sarkozy te permet de voir à quel niveau de dégénérescence, enfin, d'inconscience, d'inconséquence en est ton peuple, quoi. C'est-à-dire que là, on va... Parce que là, il y a un vrai parallèle à faire avec 2007. 2007, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Le Pen, avec Alain Soral, qui avait intégré le Bureau National et tout ça, Le Pen avait un petit peu gauchisé son discours. Et Sarkozy avait attaqué à fond à droite. Et là, 12 ans plus tard, il vient nous refaire... le coup. Donc, ouais, sauf que là, c'est au primaire et il y a de fortes chances qu'ils soient compatriotes. Vas-y, Ariel, ouais, qu'est-ce que tu disais ? Oui, c'est que là, en fait, il joue un peu son va-tout, parce que voilà, Juppé est le candidat des médias, le candidat des lobbies qui ont lâché Sarkozy. Parce qu'en fait, le problème. Et du Bidelberg, d'ailleurs. Et du Bidelberg, juillet 2015, Juppé reçu en toute discrétion en Autriche par le Bilderberg, les gens les plus puissants. Du monde occidental, ne l'oublions pas. Ah oui, exactement. Donc, voilà, le candidat du système, le prochain président de la République qui est investi par le système mondialiste, c'est Alain Juppé. Si c'était Sarkozy, ce ne serait pas non plus un drame absolu pour le système mondialiste. Hein. Attention, ce serait un bon serviteur aussi. Mais voilà, ils ont estimé que Juppé était quelqu'un de beaucoup plus malléable, quelqu'un qui a toujours été aux ordres des lobbies, qui était véritablement le l'ectoplasme intégral au service. Homosexuel, d'ailleurs. Homosexuel, hein, Juppé. Hein. Pour ceux qui je ne savais pas. Eh oui. Je ne sais pas tout. Comme Monsieur Fillon. Ah oui, ça, j'en avais entendu parler, ouais. Grand amateur d'Amman, d'où peut-être leur amour soudain pour les charmes de l'Orient et de l'Islam. Allez savoir, enfin, en tout cas, je me permets de le suggérer. Mais, oui, mais alors les charmes de l'islam avec les homosexuels, attention, il y a un moment, ça risque d'être douloureux. Non, mais ils sont en vue d'un immeuble de 40 mètres de haut, la chute est difficile. Alors, on a déjà expliqué ça, c'est qu'en islam, l'homosexuel, c'est celui qui se fait enculer, c'est pas celui qui encule. Ah oui, c'est vrai que c'est... Oui, c'est vrai. Ouais, c'est subtil. Malheureusement, ça ne sauvera pas le pauvre fillon, hein. C'est pas comme si, tu vois, l'islam, c'est pas une religion de putain d'hypocrites d'Orientes, des putains de sémites. Enfin bref, je m'égare. Enfin bref, alors donc, voilà, alors la grosse drague, vas-y, alors il nous sort le truc, voilà. Donc, la pire crapule qui existe en France, probablement, une des pires, hein, qui est l'immonde cafard Sarkozy, dont Chirac, dans un éclair de lucidité, je ne sais pas d'où ça lui est venu, avait dit que marcher dedans, ça porte bonheur. Je suis assez d'accord avec lui. Et il avait dit, Sarkozy, écrasez-lui la gueule, c'est la chose qu'ils comprennent. Et je pense aussi que c'est vrai, ça. Chirac, bon, moi, il serait passible du tribunal aussi, celui-là, international. Mais enfin, bon, il avait eu deux, trois réflexions très justes sur cet immonde personnage. Alors voilà, grosse drague, vas-y. Alors, du coup, d'après vous, alors que Sarkozy n'en peut plus de parler de démocratie directe, d'en faire des tonnes dans le rejet du regroupement familial, et du reste, que nous fait le Front National ? Le Front National, lui, est sur une autre trajectoire. Il a lancé le collectif Banlieue Patriote, proposition novatrice, dit la presse, hein, présidé par Jordan... Putain, ça c'est un bon carabiné aussi. Jordan Bardella, le jeune secrétaire départemental du FN en Seine-Saint-Denis, prévient « Nos propositions novatrices seront présentées lors d'une convention pour une République apaisée, mi-novembre. Certaines concernent la politique de la ville, qui va dans le mauvais sens depuis des décennies, depuis qu'elle est créée donc. Selon l'élu, contacté par nos soins. » Donc je cite toujours la presse, hein, là je crois que c'est BFM. Je cite toujours le jeune homme, nous sommes en totale opposition avec le dispositif qui consiste à enfermer les quartiers dans des cases. Voilà. Depuis 40 ans, on considère que parce que les gens sont pauvres, il y a de la délinquance. Oui, c'est connu que les gens n'aiment pas les banlieues en raison de la pauvreté qui y accourt, évidemment. Alors Guy Debal, le secrétaire général du collectif Banlieue Patriote, plaide pour un vrai vivre ensemble des services publics des transports. Il estime qu'il faut remettre la politique de la ville entre les mains de l'État. Quant à sa cible, le FN s'adresse à tous les Français, surtout les Français de papier, visiblement. Rappelle Jordan Bardella, qui plaide pour un travail pédagogique avec la France des oubliés dans les banlieues, un territoire qui s'abstient énormément. Mais le collectif Banlieue Patriote entend aussi adresser un message aux mères de famille. Alors là, ça va vous parler, là. Quant aux électeurs issus d'immigration, Jordan Bardella assure qu'il y a de moins en moins de réticences. Les gens ne sont pas bêtes, précise-t-il. Le jeune élu évoque ses tournées en Seine-Saint-Denis, disant « On me dit, ce qu'on a fui en Algérie, on le retrouve dans nos quartiers », faisant référence à la pratique d'un islam radical. Alors là, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de l'offensive Front National dans les banlieues qui vont devenir donc des banlieues patriotes? Ah, c'est le projet Soral qui aboutit finalement, quoi, 15 ans plus tard. Alors, il y a plusieurs choses à en dire. Moi, je vais, puisque tout le monde va défoncer ce truc-là, à juste titre d'ailleurs, hein, moi je vas-y, défends-le aussi, mais je vais prendre un tout petit peu la défense de ce genre de projet. C'est-à-dire que on sait quand même qu'il y a des gens issus de l'immigration qui ne se reconnaissent ni dans Daesh, ni dans la chialerie, qui ne se reconnaissent pas dans l'homosexualité. Enfin, c'était tout le discours, je ne vais pas vous resservir le discours que sûrement beaucoup d'auditeurs ont déjà entendu de Soral ou d'autres, qui vise à mettre en exergue les points de convergence entre les gens issus de l'immigration et la droite nationaliste, la droite traditionnelle. Il y en a, hein. C'est pas, Soral n'aurait pas eu autant de succès si tout ce qu'il avait dit était un baratin innommable, quoi. Il y a des vérités dans ce qu'a dit Soral et si le FN. Bah, moi je t'arrête là aussi parce que en 2012 François Hollande a quand même raflé tous les votes musulmans, hein. Donc moi je veux bien le machin, le truc, le baratin, truc mes couilles. Mais c'est de la connerie, c'est de la merde en barre. C'est-à-dire que tous les bougnoules votent en fonction de leur propre intérêt, bien compris. Ils ont bien compris que c'était en rapinant au détriment des prolétaires français, des ouvriers blancs, qu'ils allaient faire leur beurre, et donc ils votent pour ces ordures de socialistes qui, par ailleurs, font passer le mariage pour tous et autres. Donc moi, quand on me sort ce baratin, les valeurs, les trucs, moi j'y adhère pas 5 minutes, parce que c'est de la... comme je l'ai dit, c'est de la merde en bas. Enfin, c'est mon sentiment, hein. Bah, c'est vrai que les chiffres, viseraient à démontrer ce que tu viens de nous dire là. Hein. 98% des musulmans ont voté Hollande quand même, en... alors que Hollande était déjà à fond pour le mariage homosexuel, machin. Enfin, tout ça était au cœur de sa campagne, donc il n'y a pas de litige là-dessus, quoi. Après, savoir s'ils sont capables de changer, j'en sais rien. Enfin, je pense que le clientélisme a de beaux jours devant lui avec ces populations-là. Je suis assez d'accord avec toi. Je crois que c'est complètement bidon, comme le dit Gandalf. De toute façon, ils votent là où la gamelle est la plus avantageuse. Et là, mais ça va complètement à l'encontre de la radicalisation des Français. Alors, je parle des Français, des Gaulois, des Blancs, hein, parce que pour moi, les branches de l'arbre France, j'ai un peu de mal à m'y retrouver, tu vois. J'ai branches le côté pour tout faire tomber. Et donc, voilà, mais c'est fait par des... Les mêmes bureaucrates... complètement hors sol qu'on retrouvait dans les autres partis politiques sont aujourd'hui au FN, et ces types-là, ces types qui pondent ce genre de campagne, c'est complètement contre-productif. Tout ce que ces connards vont arriver à faire, c'est à qu'il y ait plus d'abstention au niveau du vote Front National, parce que les gens qui votent Front National à 95%, je pense, ou même plus, c'est des gens qui en ont marre des immigrés, qui en ont marre des Noirs et des Arabes en France, qui peuvent plus les voir, qui peuvent plus les supporter. Et là, qu'est-ce qu'on leur propose? C'est d'en bouffer à une sauce pseudo-républicaine patriote. Mais ça va complètement à l'encontre. Et là, pourquoi ils peuvent se permettre ça? C'est parce qu'ils ont un monopole médiatique qui leur est consenti par le système français, et européen et mondialiste. Pourquoi ils peuvent se permettre ça? C'est parce qu'ils n'en ont plus rien à foutre de l'électeur blanc, et ils se disent, on va essayer de grappiller ici ou là, à gauche, puisque de toute façon, ils n'auront pas d'autre possibilité que de voter pour Dalida, pour Marine Le Pen et ses tarlouses. Donc, voilà, ils vont. Faut pas espérer plus de Marine Le Pen que d'Alain Juppé ou que de François Hollande. On est arrivé au stade où ces gens-là se foutent complètement de ce qu'il faut faire. Eux, ils veulent faire ce qu'il faut pour arriver au pouvoir. Point barre. Ils veulent pas faire autre chose. Ils en ont rien à foutre de ce que vivent les Français. Ils en ont rien à foutre de la colonisation migratoire. Ils sont eux-mêmes personnellement ne sont pas touchés par ça. Et ils méprisent le pauvre populo, le pauvre gaulois qui est touché par ça. Voilà, et la moindre réaction, on va dire qu'il ne soit pas politiquement correct, qu'il soit véritablement la colère du peuple français et qu'il ne correspond pas aux critères de la LICRA, sera descendu en flèche par Florian Philippot ou par Marine Le Pen ou par n'importe lequel de ses sbires à ses ordres. Donc le Front National, aujourd'hui, il n'y a plus rien à en tirer. C'est plus qu'un ramassis de merde comme les autres partis politiques. Et là, ce genre de truc collectif banlieue patriote ne fait que le prouver, ne fait que le démontrer. Bah, d'un rien point que le nom, c'est vrai que ça donne envie de gerber. Ouais, non, mais d'un point de vue stratégique, c'est surtout nullissime. Parce qu'ils vont rien gratter du tout. Ah ben nullissime, rien. Ils vont même perdre des voix plutôt qu'en gagner. Ils auront zéro voix de Noirs et d'Arabes, et ils vont perdre des voix de gens qui disent « putain, ça sert à rien ». Ils font comme les autres, ils veulent faire de la politique de la ville dans des quartiers où on a déjà investi des sommes absolument monstrueuses, pendant que moi, mon HLM de blanc, il n'a pas été rénové depuis 40 ans. Donc voilà, les mecs, ça va, enfin, ceux qui sont à peu près politisés, ça va les ulcérer. Bah oui, parce que le vrai réservoir de voix du Front National, c'est dans les zones rurales et périurbaines, là où les blancs se situent, là où ils sont abandonnés. Là où ils sont même insultés, méprisés, comme on l'a vu avec l'histoire de migrants, parce qu'attention, quand on parle du socialisme et de sa politique migratoire, quand des préfets disent « bon, on va vous foutre des nègres dans votre commune », attention, c'est pas Neuilly qui choisissent, hein. Mais ils vont choisir des petites communes perdues dans des départements ruraux, allez, vas-y, prends des couches de nègres et ferme bien ta gueule, tu vois. C'est là que ça se passe. C'est chez ces abandonnés-là qu'il faut aller. Enfin, stratégiquement, c'est même évident d'un point de vue purement politique. Et pourtant, on est en train d'agiter encore ce mirage vers du bouignoule patriote. Il y en aurait 1% qu'on s'en foutrait. Je veux dire, c'est simplement, il faut être politique. 1% de bouignoule patriote, on s'en bat les reins. Ce qui importe, c'est les masses de millions de Français, de Gaulois abandonnés par ce gouvernement de crapules et de traîtres c'est à eux qu'il faut parler parce que, enfin, excusez-moi, c'est les gens qui sont les nôtres. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un putain de Sénégalais francophone qui serait francophile et qui aimerait la littérature française? Qu'est-ce qu'on s'en bat les... Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les reins? Mais franchement, on s'en fout. Non, mais là, on s'en... Non, ça, et ça confine... Excusez-moi. Je suis un peu énervé, mais ça confine à l'injure. Ça confine à l'injure à ce stade. Quand on voit la bombe démographique que même Sarkozy reconnaît, africaine, quand on voit l'État islamique, quand on voit le pullulement des cellules salafistes, face à ça, on n'est pas là en train de dire « Oui, mais alors, le pacte républicain, la politique de la vie... » Ça, c'est de la com' à la mort, moi, le pif, c'est de la com', excusez-moi, de pédale, et on sait très bien d'où ça vient, le Front National se fourvoie, j'en reviens à ce que j'ai dit, si le Front National fait 25 ou 30%, ça sera pas à cause de sa stratégie, ça sera en dépit de sa stratégie. Mais il ne faut pas oublier aussi que rien n'est joué non plus que Marine Le Pen soit au second tour. Elle est au second tour dans le cadre d'une seule candidature à gauche et d'une seule candidature des Républicains. Mais imaginons que ce soit la foire d'empoigne lors des primaires, que Sarkozy dénonce un trucage, ce genre de choses, et t'as Juppé et Sarkozy qui se présentent, avec Sarkozy qui fait une campagne très droitière. Il n'est pas du tout sûr que Marine Le Pen, de ce fait-là, soit au second tour. Elle qui fait déjà sa campagne de l'entre-deux tours, parce qu'en fait, elle est déjà dans sa campagne du second tour de rassemblement, ouais, de force ouais. apaisée, de, en fait, exactement comme en 2007. Tout le monde disait, ouais, de toute façon, Le Pen, Jean-Marie Le Pen, va être au deuxième tour. Tout le monde le disait, mais il s'est ouais. ramassé 10%. Et là, elle est en train de faire cette campagne de l'entre-deux tours en se disant, de toute façon, c'est acquis, je serai au premier tour. Et rien ne dit, si Sarkozy, au terme de primaire, où ils s'entre-déchirent tous, décide d'y aller quand même, rien que pour faire chier Juppé, ou en se disant, il y a une possibilité que je sois au deuxième tour en passant devant Marine Le Pen, ou je ne sais quoi, il peut arriver des choses en quelques mois. Bah, elle aura fait jusqu'alors une campagne de merde où elle pose avec des chats sur son blog et elle propose de faire des banlieues patriotes et de la politique de la ville avec des homosexuels autour d'elle qui lui mettent toute cette merde dans la tête. Enfin, elle le pense aussi, hein, faut pas croire non plus qu'elle est complètement manipulée. Donc voilà ce qui risque de lui arriver en plein dans la gueule, c'est qu'elle se retrouve du style Juppé à 21, Sarkozy à 20 et elle à 19. Et elle l'aura dans le cul bien profond. Alors ça aura fait peut-être plus plaisir à Philippot qu'à elle, mais c'est ce qui peut arriver à cause de ces conneries. Bon, chers amis, bah, je suis d'accord, c'est un très mauvais calcul. Hein. Moi, je comprends pas ce calcul. C'est-à-dire qu'il y a un travail à la rigueur en sous-marin. C'est-à-dire qu'il y a un travail de réseautage et de faire comprendre, on va dire, aux 1% dont parlait Gandalf, que ce soit 1, 10, 20%. D'ailleurs, on s'en branle. On sait qu'en gros, ils sont les gens issus d'immigration qui ont un destin en France sont minoritaires. On le sait tous ici, j'espère que nos auditeurs le savent aussi. Donc, qui est un travail en sous-marin, à la rigueur, pour choper ces voix-là. C'est-à-dire leur faire. Et puis, t'arrives toujours à voir pour voir son arabe de service, le fait d'y arriver. Non, mais ça, c'est un faux. Franchement, je veux dire, ça sert à rien. C'est comme. Ça sert à rien. Mais bon. On verra bien, chers amis. En tout cas, bon, on arrive à la fin de cette émission. Discussion très vive, c'est bien, mais j'aime la passion. Moi, j'aime quand ça débat, quand il y a de la conviction. Et je sais que nos intervenants en ont. Bon, bah, on se retrouve pour la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous avez voulu le mélange des peuples. Aha, hein, vous avez voulu le mélange des peuples. Vous l'avez. Hein, et, hein, vous avez les Arabes dans la police, vous les avez pas dans l'armée, etc. Et d'ailleurs, ils sont en train de vous protéger, monsieur, les Arabes dans la police. Ils sont en train de vous protéger, monsieur, les Arabes dans la police. Le jour où la guerre arrive. Ils sont en train de vous protéger, monsieur. Et vous devriez les respecter, monsieur, les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui vous protègent. Le jour où la guerre arrive. Les forces de l'ordre qui vous protègent, monsieur. Vous devriez les respecter, cher monsieur. Le jour où la guerre arrive, il y aura un tri qui va être fait. We'll be right back.